bienvenue sur Énergie, 5h55, les amis, attention, dans 5 minutes, on démarre. C'est Manu dans le 6-9, aujourd'hui, journée incroyable. Ouais. Ah bah oui. C'est l'été qui arrive. Ouais. Oh là là. Ouais. C'est la fête de la musique. Ouais. Et on va gagner la Coupe du Monde. Allez là. Allez. La France joue son deuxième match de Coupe sûr, du Monde. Ouais. C'est à midi, non, c'est ça? Non, 17h. Non, 17h. Manu, oh merde, j'avais tout bloqué pour midi. Ah bah t'es bien au point, toi. Eh bah du coup, c'est pas grave, je bloque pour midi et pour 17h. Ah ouais, okay. Ah, j'étais sûr que c'était le premier match. D'accord. Eh bah je serais obligé de regarder les trois. Oh, c'est pas grave. Soyez les bienvenus sur Énergie, on démarre dans 5 minutes comme chaque jour. Mais avant ça, c'est le club du 555. On est là entre nous à 5h55 alors que les autres ils dorment encore ou alors qu'ils se sont couchés. Ouais, c'est oui. Dommage. Ils sont pas là pour fêter l'été avec nous. Attention, parce que l'été c'est aujourd'hui, j'ai sorti le hit de l'été. Oh. C'est un peu un côté old school. Ouais. Ok. Ça, je sais pas, ça a peut-être 10 ans, peut-être moins que ça. Oh, je sais plus quand c'était. Bon, genre 2006-2007, un truc comme ça. Ouais. Party Shaker. Ça vous dit rien? Ah non, okay. Mais écoutez, non, première note. Ah ouais. Ah oui, ah, oui. Non. Oh, le retour. Ça, c'est l'été, ça rigole. C'est bon, ça, vas-y. Mais là, on se dit, ces notes, elles sont bizarres, c'est un peu vieilli. Ah ouais. Mais à l'époque, ça en boîte. Là, tu disais, c'est bon. C'est... Oh, c'est ma chanson. Si, ça, c'est un énorme hit de l'été. Ah, cool, oui. Allez. Ah ouais. Ah, laisse-le. Oh, ça paraît vieux. L'été est là, les amis. L'été est là, les amis, c'est ce que je voulais dire. Ah oui, voilà, d'accord. Yeah. fait été, quoi. Alors, c'est pas 2006, c'est 2012. D'accord. Mais c'est vrai que le son fait. Ça fait plaisir, ça lance l'été, les amis. Il est 6h. Football. Ah ouais. La France joue aujourd'hui le deuxième match de sa Coupe du Monde. Yes. Ça rigole pas. On va s'écouter Bad Wolves dans deux minutes. Il y aura aussi Ariana Grande qui arrive tout de suite. C'est les infos sur Énergie. Soyez les bienvenus. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Avant de parler foot, on s'intéresse d'abord à la météo. Le temps, ce jeudi un peu gris dans la moitié nord sur un axe Bretagne ou de France ce matin, mais le ciel devrait vite se dégager. On va retrouver du soleil un peu partout cet après-midi. Ce sera le cas pendant au moins 10 jours d'ailleurs en principe. Les températures retombent avant de remonter assez nettement la semaine prochaine. Au meilleur de la journée, il fera 20 degrés à Thionville, 24 à Laval, jusqu'à 30 quand même du côté de Toulon. L'événement ce jeudi, c'est donc le match des Bleus en Coupe du Monde. La France affronte le Pérou en Russie à 17h. Difficile à suivre quand on est au boulot. 10% des supporters français n'ont pas hésité à poser des jours pour suivre les rencontres plus tranquillement selon un sondage. Et une victoire serait sans doute synonyme de qualification pour les 8e. Olivier Giroud et Blaise Matuidi devraient être alignés d'entrée. Au programme également ce mercredi, Danemark, Australie et Argentine, Croatie. Dans l'actu également, la mobilisation reprend ce soir à la SNCF. Prévision dévoilée comme toujours vers 17h. Sorte de baroud d'honneur pour plusieurs syndicats avant la fin du mouvement la semaine prochaine. À la CGT, on ne baisse surtout pas les bras. Des appels à la grève seront lancés ponctuellement pendant tout l'été. Pas de date officielle pour le moment, mais les départs en vacances ne seront pas forcément épargnés. Un mot du bac avec le planning de ce jeudi. C'est du lourd ce matin avec la littérature pour les L, l'éco pour les ES et la physique chimie pour les S et les séries technologiques. Bon courage encore une fois. N'oubliez surtout pas les corriger immédiatement après les épreuves sur energie.fr. Du soleil, un match des Bleus et du bon son. Rien de mieux pour célébrer le premier jour de l'été. La 37e édition de la fête de la musique un peu partout en France ce 21 juin. De l'Élysée au Muséum d'Histoire Naturelle de Lille, des rues de Nantes à celle de Strasbourg. On va chanter, danser et profiter d'une belle soirée dans tout le pays. Dorian et César d'Offenbach ont bien profité, eux, à Nice, d'un grand concert. Un événement sacrément différent de leur première fête de la musique. À l'époque, ils ne jouaient pas au DJ, mais au rocker. Bah, la première fête de la musique à laquelle on a joué, on devait avoir 14-15 ans, je pense. C'était vraiment cool, on avait un groupe de rock et c'était dans un petit bar. Toute notre famille était venue, nos parents. C'était notre premier concert, je crois. Oh, le son était horrible. Notre bassiste jouait sur un ampli de guitare. Ouais, on connaissait pas l'utilité d'une basse. On pensait qu'il fallait un bassiste parce que c'était cool et on n'entendait pas la basse à cette époque. Aujourd'hui, quand on commence un morceau, on commence avec la basse et les batteries. Bah, donc pour l'explication du morceau des Offenbach, interview signée Morgane Derrien. Les forces de l'ordre seront mobilisées pour assurer la sécurité toute la nuit pour cette fête de la musique. Attention aussi aux nombreuses restrictions de circulation prévues dès le début de l'après-midi un petit peu partout en France. Donc pour passer une bonne soirée. 6h03, c'est la fin de ce flash. On est jeudi 21 juin, c'est le premier jour de l'été. Vous retrouvez Manu dans le 6-9 sous le soleil. Bonne journée, bonne matinée. Sur Énergie, il est 6h03, on est là avec vous pour démarrer cette nouvelle journée. Bonjour jeudi ! Bonjour jeudi ! Dans 5 minutes, juste après Bad Wolf et ses zombies, c'est les concours du jour spécial voleurs. Ah, yes. 3 voleurs extrêmement concons. Je vais vous raconter leurs histoires et vous pourrez vous dire, il y a pire que moi dans le monde. Pour démarrer cette journée, les amis, qu'avez-vous envie de partager avec nous ? Allons-y, Laure. J'ai sauvé la planète. Eh bien, c'est bien. Voilà, oui, je voulais vous le dire. Eh bien, merci Bruce Willis d'être là avec nous. Avec plaisir. Wow. Là, j'ai enfin pensé à prendre mon cabas pour aller faire les courses. Et j'ai fait encore plus fort que ça. J'ai ramené tous les sacs plastiques que j'ai depuis toujours, en fait. Et ils les recyclent. C'est bien. C'est cool. Ah bon, c'est cool, ça. Ça, Bruce Willis ne le fait pas. Alors, il s'est peut-être désamorcé les bombes, mais il ne ramène pas ses sacs plastiques. Voilà, c'est un peu facile. Donc, alors, félicitations. Mais je te remercie. Très beau geste. Voilà. Nicolas Webb. Alors, moi, je suis désolé, j'ai peut-être cassé l'ambiance, mais j'ai trouvé encore un type de personne qui m'énerve. Ah. Nico, je suis désolé, moi j'ai pas, je sauve pas la planète. Quoi. Ne prends pas mal ce que je vais te dire, vas-y, d'accord. Vas-y, vas-y. Avant tout, je pose les fondamentaux. Je t'aime. Ouais. Mais y a-t-il des gens qui ne t'énervent pas? Ouais. Non, il y a des gens qui sont cool. Mais là, c'est un peu gênant, quoi. Alors, c'est qui? J'étais à la salle de sport hier dans les vestiaires. Lol. Non, c'est vrai. Ah, mec, quoi, lol? Lol ou quoi? Non, mais il y était. Après, on sait pas ce qu'il y a fait. Et oh, les gars, oh. Ah, t'as été voir un pote? Mais non. Non. Attends, tu sais que je poste souvent sur un compte Instagram Manu69 des photos de moi à la salle de sport pour dire que je fais du sport ou je transpire. Attends, je suis en train de sculpter mon petit bikini body pour l'été, là. C'est moi tranquille. Mais non, mais je me motive, quoi. Bien. Après, il y a une différence entre faire du sport et prendre des photos à la salle de sport. Non, je te jure, je fais non, parce que sport. Les mecs qui arrivent avec un énorme sac à la salle de sport, qui prennent différents vêtements et qui font différentes photos et qui ensuite les postent tous les 3 jours en faisant genre encore aujourd'hui à la salle de sport, ouais. On les connaît. Non. Mais tu as été faire du sport. Ouais. Mais tu vois, là, toi, t'es le type de gens qui m'énerve là aussi. Qui me juge. Et on rappelle qu'il y a un mam et un jacuzzi à la salle de sport de Nico. Ouais, après, on sait pas ce qu'il y fait. Ils sont très bien. Donc hier, t'as été à la salle de sport. Ah, mais oui, bref. Mais de toute manière, on n'est pas obligé de faire du sport pour vivre ce que j'ai vécu. D'accord, ok. C'est que j'étais assis dans les vestiaires et là, à 50 cm de moi, il y a 2 mecs qui discutent. Ça me dérange pas. Ah, ça c'est énervant, t'as raison. Non, mec, ils étaient à poil. Ils étaient nus. Ah. Mais non, mais ça, je comprends pas. Mais attends, Nico, t'es dans un vestiaire. Oui. Dans une salle de sport. Non, oui, mais non. Bah non, non, tu te changes, tu discutes avec ton pote quand t'es en short. Là, j'avais le kiki du gars à 2 cm, tu dis qu'est-ce qui se passe? Ça m'est déjà arrivé, après. Ah non, mais c'est quoi le délire de discuter à poil de... Ah ouais, donc toi, au travail, ça se passe bien avec Virginie, là? Putain, c'est chiant, les gars. Attends, c'est qui cette Virginie? Je sais pas. Je suis parti. Mais quel rabat-joie, t'as juste à pas regarder, laisse-moi parler. Ils sont à côté de moi, quoi. Je suis archi d'accord avec Nico. C'est ultra gênant. Il y a des gens qui sont pas pudiques. Ok, certes, tant mieux pour vous. Mais pour les pudiques, c'est pas possible d'avoir des gens à 2 cm qui sont. Mais chez les filles, c'est pareil. C'est gênant. Ils sont pas à 2 cm. Les vestiaires, c'est grand. Mais ils ont une espèce de décontraction ultra gênante. Non, vraiment, moi, je comprends, Nico, je te suis. Donc, ne le faites pas. Voilà. Surtout, t'es obligé de jeter un petit coup d'œil. Attention, Laure, quand même, un seul conseil. Ouais. Bah, arrête d'aller dans le vestiaire des mecs. Ah oui. Qu'avez-vous envie de partager avec nous ce matin, Paulette? Ah ben, moi, j'ai bu un verre avec mes copines hier, tranquille. C'est bien, une belle histoire. Ouais. Ah ouais. Non, mais attends, elles m'ont offert un cadeau. Elles m'ont offert. Comme ça? Oui. C'est gentil. Bon, on le fait très souvent, on s'offre des petits cadeaux. D'accord. Mais elles m'ont offert un sextoy. Oh! C'est bien. C'est un message. C'est un message. Ah, mais non, moi j'étais trop vexée, mais c'est exactement ça. C'est un message pour me dire que je suis seule et qu'elles compatissent. Oh! Bah, ouais, c'est un bon sentiment. Non, après, ça s'est démocratisé maintenant. Bah, bien sûr. T'es pas obligé d'être seule pour en avoir, mais toi, oui, effectivement. Ah, ouais, non, mais c'est ça. Merci Manu. Je t'en prie, bah, je suis comme tes copines, quoi. Oh, le bon pote. Mais je le veux pas. Je l'offre. Qui veut? Bah, ok, ouais, je prends. Bah, voilà. Bah, non, mais je sais pas, t'es seule, au moins c'est une compagnie pendant que t'es seule. Ah, ouais. Glandu, qu'as-tu envie de partager avec nous? Moi je suis tout seul aussi mais j'ai pas eu de cadeau. Hier j'étais tout seul chez moi sur internet et j'ai fait une recherche dont j'ai un peu honte. C'est quoi la recherche? J'ai recherché top des destinations pour célibataires. Pour cet été. Oh, c'est mignon. Sur Google. Ah ouais? Bah, je cherche et j'ai trouvé une ville rigolote que je connaissais pas. C'est en Autriche, ça s'appelle Grasse. Et c'est la ville numéro 1 pour les célibataires. Mais pourquoi numéro 1 pour les célibataires? Et bah, parce qu'il y a plus de 50% de la population qui est célibataire là-bas. Wow. C'est où? À Grasse en Autriche du coup. Oh. Du coup c'est combien le vol? Bah, justement, j'ai regardé, c'est pas très cher. Ça vaut plus de 100 euros. C'était le bon plan du jour. Ah ouais. Je sais où je vais cet été, quoi. Eh bah, écoute, c'est Paulette qui est célibataire aussi, pourquoi pas? Allez, c'est parti. Oublie pas ton sextoy. Allez, 6h08, dans 3 minutes, c'est les concours du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables. On vous raconte leurs histoires juste après Bad Wolves. C'est Zombies sur NRJ. Soyez les bienvenus si je dis. C'est l'été, les amis. Eh oui. It's not me, it's not my family in your head. bienvenue sur Énergie, il est 6h11, on va écouter Ariana Grande dans 3 minutes et tout de suite on va se faire du bien. Des gens improbables qui font des choses improbables. Voici les concours du jour aujourd'hui. 3 histoires de voleurs. Ouais, ah. Cool. On démarre en Espagne. Un homme est interrogé comme témoin sur le vol d'une voiture de taxi dans sa rue. Ouais. Et là, il sort à la police cette phrase. Désolé, j'ai rien vu parce qu'en fait, je suis pickpocket et j'étais occupé à faire des poches à ce moment-là. Oh, non. Non. Bah, le mec a été arrêté. Bah, ouais. Ouais. Peut-être un peu trop honnête. Alors, cet homme. Et malhonnête en même temps. Oui. Ouais. Tu sais pas quoi penser de lui. Ah, c'est gênant. Enfin, il est vraiment en prison. Hein. Ouais, aux États-Unis, un voleur fuit la police à pied. Il sprint comme un fou dans la rue. Un moment, il se retourne pour voir s'il a semé la police. Et au moment où il se retourne, bim, il se prend à toute vitesse un parc-mètre dans la tête. Ah, aïe, aïe, aïe. Assommé direct, la police a juste eu à le ramasser. Aïe. Non. Boule et bile, quoi. Ouais, c'est ça. La même. Dernier concours du jour, toujours un voleur au Canada. Un homme va chez le fleuriste pour qu'un bouquet soit livré chez sa copine. Mmh. Et il donne donc l'adresse de la copine. Mmh. Puis, il sort un revolver et il dit « Ah, au fait, et sinon, je vais aussi prendre la caisse tant que j'y suis. » Ah bah oui. La nana bah, lui donne l'argent quand même, ouais, hein, elle est braquée. Ouais. Le mec s'enfuit. Et ensuite, tranquillement, la fleuriste, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle appelle la police, puis elle leur donne l'adresse de la nana. Ah, mais oui. Ah non. Bah ouais. Et bah ouais. Parce qu'il avait donné la vraie adresse de sa copine. Donc la police est allée chez la copine, génial. Qui a dénoncé son mec. Et il a été arrêté. Putain, et qui a pas eu les fleurs du coup. Ah non, ah, merde. Et pourtant, attends, il avait payé pour les fleurs. Bah oui. Quoi cette histoire. Allez, 6h13, on revient tout de suite sur Énergie avec Ariana Grande. Et on va lire les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Et on écoute aussi les messages vocaux que vous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. Mmh. C'est Nicolas Webb qui s'en occupe. Il y a une surprise pour toi là, Manu, aujourd'hui. Oh. Ah. Ouais, il y a Dave qui nous donne la solution pour que ton couple, à toi, dure. Ah. Oh. C'est vraiment pour toi. C'est vraiment la dernière chance. Hein. Ouais, il faut le passer vite là. A tout de suite. Manu dans le 6-9. Énergie, coco et go. Par amour, j'ai dû affronter le regard de ton père. Par amour, j'ai même fait semblant de regarder la mer. Tu dois sûrement te dire que c'était des paroles en l'air. Par amour, j'ai appris à ne plus voir tes défauts. Je suis pas d'accord, mais je te laisse avoir le dernier mot. Par amour, je t'ai donné ce que j'avais de plus beau. Et je refuse de vivre à travers le regard des autres. Des autres. Ou par amour, j'étais prêt à donner même ce que je n'avais pas. J'ai su que c'était toi depuis le départ. Quand tu es loin de moi, je me retrouve nulle part. Je suis prêt à prendre les armes. Moi j'essuierai tes larmes. Rien n'éteindra la flamme. La flamme. Par amour, j'ai dû affronter le regard de ton père. Tu penses sûrement que c'est des paroles en l'air. Par amour, j'ai même fait semblant de regarder la mer. Je n'arrive même plus à voir tes défauts. Je t'ai même laissé avoir le dernier mot. Je t'aurais même donné ce que je n'avais pas. J'ai su que c'était toi depuis le départ. Je saigne encore, je saigne encore, je saigne encore, mais je t'attends depuis longtemps. Par amour, j'ai totalement sorti de ma tête ce que tu étais hier. Je vois loin devant nous, je ne regarderai pas derrière. C'est toi et moi en tête d'affiche sur toutes les bannières, et j'en suis fier. Oh, par amour, j'ai fait de la place mon cœur, j'ai dû l'agrandir. J'ai même adopté mon style de vie. Tout recentré sur toi, c'est devenu logique. Oui, ou par amour, je te ferai briller avec 100 millions. À cause de toi, y'a plus de cendrillon. T'es devenu mon centre d'attention. Oui, par amour, je suis prêt à prendre les armes. Moi, j'essuierai tes larmes. Rien n'éteindra la flamme, la flamme. Par amour, je te laisse me guider. Par amour, tu m'emmènes où tu veux. Par amour, je te laisse me guider. Salut, c'est Presnel Kimpembe de l'équipe de France de football. Et maintenant, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Oh non, c'est surtout vous. Alors là, c'est gênant. C'est gênant. Si l'équipe de France commence à nous annoncer, nous, on concentrez-vous sur votre match. Et maintenant, c'est l'équipe de France qui gagne contre le Pérou. Voilà, ah ouais, ça, c'est, voilà ouais. ça. Vous, c'est tout. 10h17, les amis. C'est à 17h le match. Ouais, c'est ça. Très bien. Rendez-vous à la maison à midi. On n'est jamais trop prudent. Ariana Grande tout de suite sur Énergie. Juste après, on lit les messages que vous nous envoyez sur Twitter, sur Facebook. Ouais. Et puis, on va écouter aussi les messages que vous nous envoyez, les messages vocaux que vous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9, c'est juste après Ariana Grande. No tears in my body, I ran out, but boy, I like it, I like it, I like it. Don't matter how, what, when, who tries it, we out here vibing, we vibing, we vibing. Even when it's raining down, can't stop, so shut your mouth. The colors in you, I see them too, and boy, I like them, I like them, I like them. We're way too fly to partake in all this hate. We out here vibing, we vibing, we vibing. Come on, even when it's raining down, can't stop, so shut your mouth. Bienvenue sur Énergie, les 6h20. On va écouter Maître Gims et Vianney dans 3 minutes. Mais avant ça, on se fait plaisir. On lit les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Vous mettez le hashtag Manu dans le 6-9. Et puis vous pouvez aussi nous envoyer les messages vocaux. C'est sur l'application Manu dans le 6-9. Nico lit tout. Nico ouais. Écoute tout. Ouais. Il le partage avec nous chaque matin. Là, attention, on va se faire du bien. Hier, on a complété cette phrase. Quand j'étais petit, je croyais que. Ouais. Et on a eu plein de réactions hyper mignonnes sur Facebook. Eh ben, lisons, lisons. Réponse. Il y a Ingrid qui dit quand j'étais petite, je croyais que lorsqu'il y avait de l'orage, les éclairs, c'était le Père Noël qui prenait des photos. Oh, ah, c'est mignon. Il y avait aussi qui disait que quand il pleuvait, c'était Dieu qui faisait pipi. Ah ouais. Oui, ça, entendu, ouais. Je trouvais qu'il buvait beaucoup. Il y a Marjorie aussi qui dit quand j'étais petite, je croyais qu'avant, la vie, elle était en noir et blanc. Et oui. Ah, parce que les films étaient en noir et blanc. Quand tu voyais les photos, les films, c'est tout, génial. C'est ça. Ouais. Ça se tient. Il y a Marianne aussi qui nous dit quand j'étais petite, je croyais que lorsqu'on faisait des bébés en s'embrassant, j'avais la trouille quand je voyais mes parents s'embrasser. Ah ouais, ah ouais. Ça fait beaucoup de bébés. Ah bah beaucoup. Ouais. Un autre, quand j'étais petit, je croyais que. Il y a William qui dit quand j'étais petit, je croyais que les épinards, c'était le caca des vaches. Avouez que c'est trompeur. Ouais, c'est ça. Et un petit dernier, Aria aussi qui nous dit quand j'étais petite, je croyais que c'était les Miss Météo qui choisissait le temps. Oh, c'est énorme. énorme. Genre le soir, on, tout en impro. Ouais, c'est je sais pas, là, aujourd'hui, je vous mets de l'orage par ici. On va être bien. On a aussi terminé l'émission en donnant les secrets d'un couple qui dure. Et on a reçu des messages vocaux directement sur notre application Manu en 6-9. Là, Manu, il y a Dave qui a une solution qui va te plaire. Salut Manu, salut les ouin-ouin. Bah, moi, mon secret pour faire durer un couple, ça fait 8 ans et demi qu'on est ensemble avec ma chérie. Et bah, c'est tout simple, on joue ensemble aux jeux vidéo. Et ouais, et surtout à Call of. D'ailleurs, ma chérie est pas mauvaise, hein, je dois le dire. Allez, gros bisous tout le monde. Ah oui, mais il faut qu'elle soit pas mauvaise. Ouais. Il faut qu'elle soit d'accord surtout. Non, mais le vrai truc, c'est que. Ouais, c'est compliqué. Non, et même à Mario Kart, toutes les deux secondes, et comment qu'on lance la banane? D'accord. Ah, fais pas d'effort. Bon, non. Donc pas de couple qui dure pour toi, quoi. Okay. On en parlera. Je te dirai ça demain. Ok. Il y a encore un message pour toi, Manu. Ah, décidément. Oui, Manu. On est le 20 juin. C'est l'anniversaire de ton frère. Ouais. Ah, c'est un message qui est arrivé hier. Ouais, j'espère juste que c'est pas trop tard. Et j'ai pas oublié hier. Sérieux? Ah, t'as souhaité. Oh. Alors, parce que mon père m'a dit, et je te rappelle que. Mais non, mais j'ai un problème sur. Ouais, je vous l'ai déjà dit mille fois. Ouais. Il y a mon père, je crois que c'est le 22 mai. Mon frère, c'est le 20 juin. Putain, je confonds tout le temps. Ouais. 20 juin, 21 mai, 22 mai, 20 juin. Oui. Franchement, ils me saoulent les deux. Hein. Oh, ouais. Choisis pas sa famille, hein. Ah non, non. Sans déconner, mais c'est compliqué, ça embrouille. Mais il y a un truc qui s'appelle l'agenda, sinon tu connais. Je veux pas. Ok. Non, c'est quoi la vérité? C'est je ne veux pas me dire que je vais me souvenir l'anniversaire de mon père et de mon frère en le mettant dans un agenda. Oui, bah, c'est mieux que de pas s'en souvenir. Mais... Non, non, c'est pas bien. C'est ma famille. Je vais pas l'écrire. C'est pas un rendez-vous professionnel. Tu l'oublies, ouais, c'est pas mieux. Tu n'y arrives pas. Oh. Ah, t'es tiraillé. Ah, parfois, la vie est une pute. Ouais. Bon, encore un message. On termine rapidement avec l'employé de la semaine. Ah. Oui, Manu. Salut les ouin. Pardon, excusez-moi, j'appuie sur le mauvais bouton. Ouais, c'est pas grave. Salut les ouin ouin. On se fait chier au taf. On se fait chier au taf. C'est l'employé de la semaine que tu avais dit. Alors, c'est l'employé de la semaine, mais la semaine prochaine, ça m'étonnerait. C'est compliqué pour lui. N'hésitez pas à nous envoyer des messages vocaux sur l'application Manu dans le 6-9. Nicolas Web les écoute tous et il les partage avec nous. 6h23, Maître Gims et Vianney sur Énergie. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey. Les gens qu'au fond jamais jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je... Amel sur Énergie, il est 6h27. Soyez les bienvenus parmi nous. On va écouter Z avec The Middle. Ça arrive juste après les infos de 6h30. Aujourd'hui, c'est l'été. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Ouais. Oui, trop bien. Elle est où ma flûte? Est-ce que ça va vraiment célébrer la musique? Oui. Attends, le jour de la fête de la musique, on a le droit de faire ce qu'on veut, on a le droit de le faire de la musique, et tout le monde doit écouter. Bah ouais, qui a dit ça? Bah c'est le principe de la fête de la musique. Ouais. Comme ça. Moi j'ai passé une fête de la musique avec un mec qui savait pas jouer du violon en bas de chez moi, j'ai rien dit. Hein. J'ai souffert, mais j'ai rien dit. Oh l'enfer. C'est ça la magie de la fête de la musique. Tu descends dans la rue, voilà, tu vois des groupes que tu connais pas, t'auras déjà oublié le nom de mettre après, mais t'en verras d'autres. C'est pas grave, cool, quoi. Ouais, c'est vrai. Qu'on amène la flûte. Ça arrive. Concert de flûte dans deux minutes, ce serait contre Blaze. On va écouter aussi Z avec The Middle et il y a les infos qui arrivent. Et on parlera de sexe. Voilà, comme ça, restez là. À tout de suite. Manu dans le 6-9. Rejoignez-nous. 0800 70 42 48. Appel gratuit. Énergie. Gagnez vos places pour le Barouka Ville, le plus grand festival électro d'Allemagne. Avec la phrase Énergie. Si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. La radio des plus grands festivals, c'est Énergie. Surtout, retenez-la bien. Cette phrase vous permet de partir voir. This is Martin Garrix. C'est David Guetta sur Énergie. This is Axwell and Ingrosso. Et les top DJ mondiaux au Barouka Ville en Allemagne. C'est à tout moment de la journée. C'est la phrase Énergie. Leclerc. Chérie, en ce moment chez l'auto Leclerc, il y a une promo sur l'achat et la pose de pneus Goodyear, Hankook ou Lofen. Oui, et donc? Bah, à la veille des départs en vacances, mieux vaut faire changer ses pneus usés maintenant plutôt que sur le bas-côté. Ah bah carrément. Du 19 juin au 14 juillet dans les centres l'auto Leclerc, pour l'achat et la pose complète de deux pneus Goodyear, Hankook ou Lofen, bénéficiez de 15€ de réduction immédiate ou 40€ pour 4 pneus. Voir modalités dans les magasins participants, offre non cumulable avec d'autres promotions en cours. Voilà, on a des beaux pneus neufs, deux grandes marques et un prix Leclerc. Et il est content. Parfaitement. Téléchargez l'appli Énergie gratuite, sans abonnement, avec tous vos hits préférés. Énergie, hit music only. Leclerc. Chérie, vendredi et vendredi seulement chez Leclerc, 30% de réduction immédiate sur tous les produits solaires. Oh, c'est super à la veille des vacances. Ah bah carrément, le pouvoir de choisir ses produits en promo sur tout le rayon solaire de ton Leclerc, c'est cool. Vendredi 22 juin chez Leclerc, bénéficiez de 30% de réduction immédiate sur tous les produits solaires. Le super pouvoir d'achat du vendredi, c'est de pouvoir s'offrir ses produits préférés dans ses marques préférées. Voir modalités magasins et drive participants sur www.e.leclerc. Vendredi, il y a du soleil en promo chez Leclerc. Vincent est militaire. Quand il part en mission, c'est souvent pour plusieurs mois. Pour garder le contact avec ses proches, ses appareils numériques lui sont indispensables. Voilà pourquoi chez GMF, nous assurons vos tablettes, ordinateurs portables et smartphones en cas de bris ou de vol, où que vous soyez. Et en ce moment, chez GMF, 2 mois offerts la première année pour toute souscription d'un contrat d'assurance habitation Domopass jusqu'au 30 juin. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Conditions de l'offre et coordonnées de l'assureur en agence GMF et sur gmf.fr. Leclerc. Philippe, c'est quoi ce bidon là dans l'entrée? De l'huile moteur Total Active à 7000 avec 30% de tickets Leclerc et dont ta voiture manquait cruellement. Ah bon? Ah oui. En plus, c'est un produit partenaire du grand jeu La Ligue des supporters. 2 produits partenaires achetés, une carte à gratter pour tenter de gagner des kits de supporters et des ballons. Du 12 au 23 juin chez Leclerc, le bidon de 5 litres d'huile de moteur Total Active à 7000, diesel ou essence, est à 21,50€, soit 4,30€ le litre, avec en plus 30% de tickets Leclerc. Voir modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Parce qu'une voiture, ça s'entretient. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Dans même pas 10 minutes les amis, c'est les sondages du matin qui arrivent pour vous, ce sera juste après Z et The Middle, et maintenant c'est les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Du grand beau temps ce jeudi encore, surtout cet après-midi en fait, puisque la moitié nord a droit à quelques nuages en ce moment, de la Bretagne au Hauts-de-France en passant par la région parisienne. Tout va rentrer dans l'ordre au meilleur de la journée. Ces premiers retours en force du soleil, du ciel bleu un petit peu partout. Les températures baissent. Au max, on aura 17 degrés à Saint-Malo ce jeudi, 25 à Montbéliard, 30 tout de même à Albi. Allez les Bleus, on croise les doigts pour la France qui joue aujourd'hui son deuxième match de Coupe du Monde de foot en Russie. Rendez-vous donc dès 17h face au Pérou. La victoire serait quasiment synonyme de qualification assurée pour les huitièmes de finale. Les autres rencontres du jour, Danemark, Australie et Argentine, Croatie. Le retour à la semaine de 4 jours à l'école, à la rentrée, 70% des maternelles et primaires seront revenus à l'ancien rythme scolaire en France. Le ministre a présenté hier un grand plan mercredi pour accompagner les mairies et leur permettre de proposer des activités intéressantes pour les enfants pendant les temps libres. libre. Il y aura avant tout plus de moyens grâce à des aides de l'État. Bon courage aussi à tous les élèves de terminale qui passent le bac cette semaine. Ça continue ce matin avec la littérature pour les L, l'éco pour les ES et la physique-chimie pour les S et les séries technologiques. Les corrigés sont disponibles immédiatement après les épreuves, encore une fois sur energie.fr. De nouvelles perturbations à la SNCF dès ce soir et pour un petit peu plus de deux jours, les cheminots reprennent leur mobilisation. La CGT, l'un des principaux syndicats, a de nouveau confirmé hier que le mouvement continuerait cet été. Des dates de grève seront annoncées ponctuellement et peut-être même lors des départs en vacances. Rendez-vous ce soir un petit peu partout en France, qu'ils soient musiciens confirmés ou novices, showman ou pas, des meilleurs groupes, des chanteurs amateurs et professionnels vont jouer pour nous dans les rues de Paris à Marseille en passant par Grenoble, Metz ou Angers. 37e édition de la fête de la musique pour célébrer l'arrivée de l'été. Et comme chaque 21 juin, vous serez nombreux à en profiter jusque tard dans la nuit, une tradition qui a laissé quelques beaux souvenirs à Tal notamment. Moi, j'ai grandi dans le Marais à Paris, et ce qui est grave cool et ce que j'ai grave adoré, c'est que chaque rue, t'as une musique différente, un style différent. T'as un groupe de rock qui va jouer, une rue après, t'as un DJ qui fait de l'électro. Moi-même, parfois, je prenais le micro, je chantais avec le groupe de rock. Les gens étaient hyper ouverts à ça. À chaque fois que je demandais de chanter avec eux, ils étaient hyper contents. Et moi, parfois, j'étais avec ma guitare aussi. Je jouais avec ma guitare dans les rues, dans le Marais, avec des potes. On mettait des chapeaux pour que les gens mettaient de pièces et tout. Ça a été assez fou, mais c'était hyper drôle. On a fait des vidéos, enfin voilà. Ouais, interview signée Morgane Derrien, Tal a retrouvé ce soir sur la scène du show Tous à Nice avec Offenbach, Big Flo et Oli ou encore Amir. 6h33, c'est la fin de ce flash. On est le jeudi 21 juin et vous retrouvez Manu dans le 6-9 sur Energy. Bon réveil, bonne journée. C'est nous les amis, on est là avec vous comme chaque jour, 6h33, bonjour jeudi. Bonjour jeudi. C'est la fête de la musique. Ouais. C'est l'été aujourd'hui. Ouais. La France va jouer à 17h, franchement. C'est génial. Quelle journée en prévision. Ah mais, mais c'est notre journée quoi. C'est pas la journée, on va être le plus productif du monde quoi. Non mais on l'était pas non plus hier, glandu, faut prendre l'évidence. C'est pas faux. En étant très honnête. Oui, c'est vrai. Journée qui va pas tellement changer notre quotidien. Ouais. Dans 3 minutes, juste après Z et The Middle, c'est les sondages du matin qui arrivent pour vous. Avant ça, j'ai une question très simple. Ouais. J'ai la réponse. Vous avez déjà sorti un mensonge gratuitement qui ne sert absolument à rien? La réponse est oui. Ah bah oui. Non mais le truc c'est, de temps en temps, et dites pas que ça vous arrive pas, on sort un mensonge, on nous pose une question, et on sort un mensonge, mais qui est bidon, qui sert à rien, et après on se dit, tiens, c'est rigolo ça, pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est rigolo. Exactement. Mais c'est un mensonge qui sert à rien. Mais toi Manu, c'est ton quotidien, c'est ça qui est inquiétant. C'est pour ça que je me suis dit, oui, j'ai voulu poser la question. J'avoue que c'est vrai. C'est dingue. Plein de fois par jour, je sors des mensonges qui servent à rien. Mais qui font de mal à personne, donc ça va. Non, mais je suis obligé de dire des conneries. Tu sais, le problème que t'as toi surtout, c'est que tu te désamorces pas en fait. Mais il y a des gens, il faudrait peut-être leur dire plein de choses. Mais le nombre de mensonges qui servent à rien que je sors par jour, mais c'est n'importe quoi. On parle de football, je dis que j'ai été champion départemental de football et que j'ai arrêté ma carrière parce que j'ai été blessé. Ah bon, d'accord, ouais, j'avais 13 ans. Ouais, c'est ça. Je parle dans un mensonge qui sert à rien. Ouais. Et c'est vrai qu'après, j'oublie de dire c'est pas vrai. Ouais. Je suis quand même ceinture noire de karaté, j'ai fait les championnats de France aussi. Ouais, c'est pas mal. J'avais dit à mon cousin, je me rappelle, qui était fan de basket à l'époque, j'avais dit que j'étais normalement dans l'équipe de France de football junior, de basket junior. Non. Eh ouais, comme t'es grand. Mais pourquoi je connaissais pas les masques quoi. J'avais dit aussi à une nana que j'étais daltonien. Je l'avais jamais désamorcé en 2 ans, je crois. C'est vrai, surtout. C'est vrai que vous faites jamais ce genre de petit truc. Si. Ah bah voilà. Glandu. Ouais, moi j'ai dit à un pote que Mamie Nova était ma grand-mère. Je dis c'était une arrière-grand-mère, et ce que j'aime bien c'est broder autour. Je disais qu'elle était très gourmande et qu'elle avait fait un voyage en Turquie, et en revenant de Turquie elle avait ramené la recette du yaourt. Et que c'était ta grand-mère. Ouais, que c'était une arrière-grand-mère. C'est génial. Parce qu'après il y a quelqu'un qui va, si tout le monde de désavancer, quelqu'un qui va raconter à d'autres personnes, je connais quelqu'un dont la grand-mère et Mamie Nova a vraiment existé. Génial. Voilà les petits mensonges comme ça qui servent à rien. Laure. Moi pendant des années à l'école j'ai raconté raconté que Pierre Richard était le frère de mon père, que c'était mon oncle. Il lui ressemblait à fond. L'acteur Pierre Richard. Ouais, l'acteur. Il lui ressemblait à fond. Mais il lui ressemblait vachement, et en fait, ce mensonge, j'ai fini par y croire moi-même. C'est ça qui est drôle. J'ai jamais démenti. Donc Pierre Richard est mon oncle. Voilà, je voulais vous le dire. Okay. Et du coup, c'est génial, si tu le croises dans la rue, tu l'embrasses en lui disant salut tonton. Bah, je crois que je vais faire ça, ouais. Et lui, il raconte régulièrement qu'il y a des tarés qui viennent lui sauter au cou en disant bonjour tonton. C'est ça. Quels sont les petits mensonges qui servent absolument à rien, mais que vous avez déjà dit? Voilà. C'est le petit plaisir qu'on se fait. Mais on se demande à chaque fois pourquoi on le fait. Ouais. C'est trop tard, c'est sorti, c'est comme ça. 0870 42 48, vous pouvez nous appeler, on vous prend au téléphone après Z. Il y a les sondages du matin aussi qui arrivent. C'est dans 3 minutes. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Et pour 2% des gens, cet instrument est le plus sexy. Pour 2% des gens. Hein. Ouais. Okay. C'est pas le piano, c'est pas la guitare. Hein. D'accord. Il va falloir le trouver. Juste après Z, les The Middle sur NRJ, c'est les sondages du matin. Take a seat. Right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over, I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Kitchen floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing. Soyez les bienvenus sur NRJ, on va s'écouter Pink le dernier, mais avant ça, voici les sondages. Ouais. Tous les jours, les sondages du matin sont là pour vous. Ouais. Une femme sur 10 n'ira pas plus loin avec un homme s'il fait ça à un premier rendez-vous. Paulette. S'il mange trop, non. S'il demande de partager l'addition. Non plus. S'il lui dit bonjour au lieu de bonsoir. Alors en fait, il fait quelque chose, mais il dit rien. Ah. Non, ah ouais, ce n'est pas une action qu'il fait avec elle. Il met les coudes sur la table. Non, ça c'est strict. Hein. Oui. Ah bah oui. Une femme sur 10, même temps, ça fait 10%. Il regarde les résultats du foot sur son téléphone. Non, c'est pas ça. Il regarde trop ses seins. Effectivement, ça peut être gênant, c'est pas ça. Il a besoin d'un accessoire pour le faire ou non du... Il a besoin de rien et c'est quelque chose qu'il va faire limite sans s'en rendre compte, quoi. Ah, et une femme sur 10 n'ira pas plus loin avec un homme s'il fait ça au premier rendez-vous. S'il se cure le nez. Non, c'est la réponse, c'est bailler. Le pauvre, il a le droit d'être fatigué. Mais une femme sur 10 n'ira pas plus loin avec un homme s'il baille au premier rendez-vous. Disons que si, quand la fille lui dit j'ai perdu mon grand-père hier et... C'est vexant un petit peu. Pour 6% des hommes, c'est le pire sujet de conversation à avoir avec son père. Quel est ce pire sujet de conversation? L'héritage. Vache. Ah ouais, c'est compliqué. C'est sexuel ou pas? Ah, Ah oui, c'est dans l'univers quoi. Ouais. Oui. Ça a un rapport avec la sexualité du papa avec sa femme ou pas? Non. Le premier rapport sexuel de son père? Non. L'anatomie de la maman? L'anatomie de la maman non plus. C'est gênant. Mais ça a un rapport avec l'anatomie. Ah. Mais plus l'anatomie de. Oh non. Comparer les zizi? Alors c'est quasiment ça. Quelle horreur. Pour 6% des hommes, c'est le pire sujet de conversation à avoir avec son père, la taille du zizi. Mais non. Seulement 6%? Bah dire. Dire par exemple, est-ce que voilà, j'ai l'impression d'avoir un petit zizi papa, est-ce que tu penses que c'est. C'est gênant, mais pour tout le monde, non? Eh ben, je vais vous dire un truc, quand j'étais petit, j'étais allé voir mon père parce que j'avais un testicule, j'avais l'impression qu'il était pas descendu. Ah non. Génial. Oui, je regardais, putain, il y avait une boule qui était tombée et l'autre elle était au-dessus. Bah oui, mais qui veux-tu demander? Mais attends, à mon frère, je vais voir mon frère. Ah, je lui dis, regarde, c'est quand même bizarre, il y a une boule qui est en bas et l'autre elle est en haut. Oh là là. Attends, c'est pas fini l'histoire. Parce qu'on était en vacances avec un cousin. Mais non. Donc il me dit, je sais pas, on va demander à Eric, mon cousin. Mais non. Imaginez, trois ados, donc, hein, dans une chambre. Regardez mes couilles en disant, il y en a une qui est descendue, l'autre pas. Conclusion, on dit, bah, il faut demander à papa, parce que mon père est médecin. Je suis allé voir mon père. Je lui ai dit, papa, c'est quand même bizarre. J'ai une boule qui est descendue, l'autre, elle est. Il fait, elles sont très bien, tu rentres te coucher. Ouais. Et alors? Bah, c'était très bien et je suis rentré me coucher. Et du coup, on est d'accord que la terre entière sait que t'as une couille plus basse que l'autre. Non, il n'y a que mon frère, mon cousin et mon frère qui sont au courant. Et tout le monde maintenant, du coup. Ah oui. Mais c'était quand t'étais petit. Il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais petit. Ouais. Bon, je fais pas partie donc 6% des hommes pour lesquels le pire sujet de conversation à avoir avec leur père, c'est la taille du zizi. Dernier sondage du matin. Pour 2% des gens, cet instrument est le plus sexy. Pour 2% des gens. Le triangle? C'est pas le triangle. La contrebasse? Oh non. Le tam-tam? C'est pas le tam-tam. La harpe? Vraiment? Non. Bah non, c'est sexy la harpe. Ah bon? Ah ouais. Ah bah la harpe. Okay. Ah ouais. Pour 2%, pour 2% des gens, cet instrument est le plus sexy. La flûte à bec. Ah oui? Oh non. Oh non. La flûte à bec est l'instrument le plus sexy pour 2% des gens. Non. Mais c'est improbable. Excusez-moi, qu'est-ce que j'ai dans la main? Une flûte à bec. Oh là là. Ouais. S'il vous plaît, on fait souvent de la radio pour 100% des gens. Mm-hmm. J'aimerais faire de la radio pour 2% des gens. Vas-y. Toi qui trouves que la flûte à bec est sexy, éclate-toi. Nico, prends ta guitare. C'est dommage qu'ils te voient pas, ces 2%. Glandu, t'as pas le petit tam-tam là? Si, tam-tam. Il est là. C'est la fête de la musique aujourd'hui. Mais il y a pas un triangle pour moi? Il est là. Je sais pas. C'est la fête de la musique aujourd'hui, les amis. Excusez-moi, on fait de la musique. Ah ouais. Vas-y, envoie Nico. C'est parti. Ouais. Attention. Alors pourquoi? Effectivement, ce soir on sera dans la rue parce qu'on sera fait virer de la partie. 6h45, rattrapons-nous, voici Pink sur Énergie. Juste après, on vous prend au téléphone au 0 870 42 48. Et pardon, voilà. Désolé pour ces 2 minutes. Pas que pour ces 2 minutes, hein, pour l'ensemble de... Ça fait 7 ans qu'on est là. Pardon pour les 7 ans. Running like a dog, fighting like a bitch too much. And you just can't stand it, baby. Even when I fall, you don't seem to give two shits. Cause you're just too cool, baby. We could have it all, neither one of us would budge. Cause we can't be wrong, baby. Folding up your arms, closing up your heart. I know what you think is me. See? time you said that I was your heart, baby. Trying to understand how a grown man goes on without a body part, baby. I could walk away, I could always cash my chips and I'd be okay, baby. I would be okay and you might be okay. For me, I feel like the ship's going down tonight, but it's always darkest before the light, and that's enough for me to try. Whatever you want, whatever you need, whatever you do, I, even if I say that it's over now, even if we want to move on somehow, and just like that we come alive. Whatever you want, whatever you need, whatever you do, I, whatever you want, whatever you need, whatever you do, I, whatever you want, whatever you need, whatever you do, I, whatever you want, whatever you need, whatever you do. Bienvenue sur Énergie, il est 6h48. On va écouter Dadju qui sera avec nous la semaine prochaine. Ouais, on va faire un truc incroyable avec Dadju la semaine prochaine. Nous sommes au Gros du Roi, comme on l'avait fait l'année dernière. Ouais. On va passer la dernière semaine un petit peu en vacances, on avoue. Mais on vous emmène avec nous, on vous a offert une semaine de vacances. On fera l'émission en public, on sera en direct avec vous. Et on a des gros événements qui arrivent, dont avec Dadju, un concert ultra privé au milieu de la mer sur un bateau. C'est classe. Énorme. C'est totalement improbable. Mais ouais. Ça fait comme dans les clips, tu sais. Mais un c'est chanteur sur un bateau, quoi. Mais c'est exactement ça. Mais ouais, ouais, trop bien. C'est un truc de dingue. Et ce sera en Facebook Live. Faut juste vérifier qu'on ait du réseau. Ah, on va checker quand même. Ouais. Ouais. Ah, ouais. C'est pas mal, ça, Manu. Bien vu, bien vu. C'est pour ça que je suis chef. Hein. Parce que moi, je pense au truc. On vous en dira un petit peu plus sur cette semaine de dingue qu'on va vu l'année prochaine. On en parlera tout à l'heure. Avant ça, les amis, on avoue ces petits mensonges qui servent à rien, qu'on sort régulièrement. Ça nous arrive à tous. Ouais. On sort un mensonge gratuitement qui sert absolument à rien et on se dit après, tiens, pourquoi j'ai sorti ça? Allez, Nico. Moi, j'avais dit à une fille au lycée que j'étais une fille avant. Ah ouais, mais c'est génial. Bah, je me disais qui est plus proche des filles que les filles pour discuter, tu vois, entre elles et tout. Donc si je lui dis que j'étais une fille avant, peut-être qu'elle sera un peu plus proche. Ouais. Et elle l'a cru? Non, pas du tout. Pas ah du d'accord, tout. Bon, ah, je suis passé pour un con. D'où la tristesse de ce. Ah mensonge. Oui, effectivement. Ouais. Et petit mensonge qui sert à rien sur Twitter avec le hashtag Manu dans le 6-9. Il y a Olivier qui dit: j'ai dit à un garçon que j'étais panaméenne parce que je trouvais ça sexy. Ah oui, c'est vrai. C'est rigolo. Hein. Ah ouais. Allez, tu regardes la télé, tu vois un reportage sur l'Egypte, tu sors de chez toi, tu dis: figurez-vous que j'ai un ancêtre qui était Ramsès II. Ouais. Anthony sur Twitter, il dit: en soirée, j'ai raconté à tout le monde que j'avais des dons de voyance et j'ai menti à plein de gens du coup. C'est drôle ça. Génial ça. Caroline, bonjour. Salut Manu. Bienvenue sur Énergie, Caroline. Quel est le petit mensonge que t'as sorti qui sert à rien? Mais bon, c'est sorti comme ça. Alors moi, quand j'étais petite, je disais à toutes mes copines que mon grand-père faisait l'amour en cachette avec une princesse et que j'avais donc du sang royal. Ça va. Ça. Après, quand on te demande quelle princesse, faut pas paniquer et dire la princesse Peach de Mario. Faut avoir quand même un background derrière. Merci de nous avoir appelé, Caroline. Les petits mensonges qui servent à rien, qu'on sort de temps en temps, Paulette. Moi, en primaire, j'ai dit à toute ma classe que mon père, en fait, il était tueur à gages. Et donc quand j'ai organisé en fait mon anniversaire chez moi, moi j'avais zappé l'info que j'avais fait passer quoi dans la classe. Et quand mon père est rentré pour jouer avec tous les élèves, ils sont tous tués. Ils avaient parlé. C'est génial. Truc de fou. C'est déjà cool que les gens soient venus chez toi. Ouais, hein, c'est ça. Moi j'y serais pas allé. Ils sont dit qu'il était pas là, il était en mission probablement. Ah oui, en mission. Hein. Oh l'angoisse. Ah ouais. Lucie, bonjour. Salut Manu, salut les mamans. Bienvenue sur Énergie, Lucie. On parle de petits mensonges qui servent à rien qu'on a sorti, on écoute le tien. Oui, alors moi, après la Coupe du Monde 98, j'ai raconté à toutes mes copines que j'étais la cousine de Vicente Lizarazu. Et j'ai eu un gros moment de solitude au moment où la maîtresse a appelé ma mère pour faire venir mon cousin. Donc,

Après des débuts mitigés, les Bleus vont tenter de se rassurer aujourd'hui pour leur deuxième match de Coupe du Monde. La France retrouve le Pérou en Russie à 17h avec quelques changements annoncés. Olivier Giroud et Blaise Matuidi devraient être titulaires. En cas de victoire, la route vers les huitièmes serait quasiment dégagée. Au programme également ce jeudi, deux autres rencontres, Danemark-Australie et Argentine-Croatie avec un certain Lionel Messi. Dans l'actu également, nouvelle perturbation en vue dès ce soir à la SNCF. Un épisode de plus de la grève perlée des cheminots. Prévision dévoilée vers 17h comme d'habitude. Concernant cet été, la CGT a confirmé hier que le mouvement continuerait bien pendant les vacances. Pas de date annoncée pour le moment, mais les grands week-ends de départ ne seront pas forcément épargnés. C'est du sérieux, Instagram vient de basculer dans un nouveau monde, celui des réseaux sociaux qui comptabilise plus d'un milliard d'utilisateurs actifs sur la planète. Un club très privé avec notamment Facebook, WhatsApp ou encore Messenger. Rien qu'avec la pub, Insta devrait gagner près de 5 milliards d'euros cette année. Pas de pause, les 750 000 élèves de terminale français planchent sur de nouvelles épreuves du bac aujourd'hui. Littérature au programme pour les L, l'éco pour les ES, la physique-chimie pour les S et les séries technologiques. Bon courage une nouvelle fois et n'oubliez surtout pas les corriger immédiatement après les épreuves disponibles sur energie.fr. Des kilomètres à pied, de belles surprises et une bonne soirée. Tradition respectée encore ce jeudi, comme chaque 21 juin, la France célèbre l'été et la fête de la musique. 37e édition cette année avec comme toujours des groupes plus ou moins amateurs programmés dans tout le pays. Pour Petit Biscuit, toutes les raisons sont bonnes pour descendre dans la rue ce soir. C'est cool, c'est la finale de la Coupe du Monde tous les ans, quoi. C'est vrai, c'est tout le monde dehors, tout le monde fait la fête, tout le monde est content, t'as du rap dans la rue, t'as du rock, t'as de la musique du monde, tout le monde essaye de rendre heureux les gens, c'est même pas, tu vois, ils sortent pas dans la rue en mode ouais, moi je m'appelle comme ça, va checker mon SoundCloud, je sais pas quoi, tu vois. C'est vraiment très naturel, ils veulent juste donner du plaisir aux gens, c'est très spontané. Voilà, donc pour Petit Biscuit qui nous raconte ses anecdotes et ses souvenirs de fête de la musique, interview signée Alexandre Avril. Et si vous ne savez pas encore où aller ce soir, tout le programme près de chez vous, c'est sur fetedelamusique.fr ce matin. 7h03, c'est la fin de ce flash. On est le jeudi 21 juin, on célèbre l'arrivée de l'été aujourd'hui sous le soleil. Vous retrouvez Manu dans le 6-9 pour bien commencer la journée. Bon réveil et bonne matinée. Bienvenue sur Énergie, on est le 21 juin, c'est jeudi aujourd'hui, c'est l'été, c'est la fête de la musique, la France joue à 17h, mais c'est le bac. Mais oui, ah, oui, c'est oublié quand même. Ah, j'ai une pensée pour vous tous qui passez le bac en cette période, c'est avec la Coupe du Monde. Ah, c'est pas sympa. Ah, ouais. Ça tombe tous les 4 ans, je suis désolé. C'est tombé sur vous cette année. C'est horrible, mais c'est en même temps les épreuves. T'as les horaires des épreuves, ça tombe en même temps que le match. Non, c'est ce matin les épreuves. Ouais, de toute façon, il y a des révisions, quoi. On peut pas regarder les matchs l'après-midi, quoi. Tu décompresses un peu. Si tu commences comme ça. Tu décompresses pendant un match. Après, si tu regardes tous les matchs, c'est tu décompresses, mais tu vas compresser pendant l'été. C'est compliqué. Tout à l'heure, on va voir Baptiste et Marie-Lou, qu'on suit depuis lundi. Oui. Ils passent leur bac tous les deux. Bac L pour Baptiste, bac ES pour Marie-Lou. Littérature aujourd'hui pour Baptiste et sciences économiques et sociales pour Marie-Lou. Okay. Nous allons parler littérature et économie. Parfait. Voilà. Et on va glisser les infos de sexe là-dedans aussi pour essayer de compenser pour vous garder. On les suit depuis lundi. Ils nous avaient appelé Baptiste et Marie-Lou. Marie-Lou est très stressée. Baptiste, lui, il est totalement à la cool. Ouais. On va les suivre et on verra jusqu'où ils vont dans ce baccalauréat. 7h04, on va doubler votre salaire dans quelques instants. Et juste à propos de bac, écoutez bien, en Algérie, pour empêcher la fraude au bac, il coupe Internet dans tout le pays durant les épreuves. Arrête. Mais non. Ah, c'est extrême comme mesure. Oh non. Pour empêcher la fraude, pendant qu'il y a une épreuve du bac, il coupe Internet pour tout le monde. Oh, c'est dur. C'est incroyable. C'est horrible. C'est incroyable. Mais ce qui veut dire que les gens qui sont au travail, bah oui, mais ils peuvent pas glander. Mais c'est un problème. La solidarité avec ceux qui passent le bac. Ils peuvent pas glander, oui. C'est quand même dingue. Les mecs, ils se retrouvent au boulot, ils doivent bosser, ils peuvent pas aller checker Facebook. Oh là, c'est dur. Oh merde, c'est pas sympa. Ils vont devoir aller faire une sieste, hein, sinon. Ils n'ont pas d'autre solution. Courage, on est avec vous. Ah ouais. 7h05, Jeanne Paul arrive, mais avant, on double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Il suffit de vous inscrire à energie.fr, Manu dans le 69.com ou sur l'application Manu dans le 69, où vous inscrivez et tous les matins, 7h05 et 8h05, on double votre salaire. Emmanuelle habite le Collet de Dez, c'est en Lozère, elle a 31 ans et elle touche 1230 euros chaque mois. Et Emmanuelle, nous t'appelons maintenant pour doubler ton salaire. Attention. Allô. Allô, Emmanuel. Oui. Emmanuel, du collet de Dèze, en Lozère. Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Eh ben oui, c'est le bon. Ouais ouais ouais. Eh ben, tu t'es inscrite. Ben oui. Ben voilà. Oui. Et c'est le concept. Quand on s'inscrit pas, on peut pas gagner. Quand on s'inscrit, eh ben, on prend cette chance de gagner. Alors oui, oui, c'est une chance sur 1000, sur 10 000, sur 1 million. Ben oui, oui. Mais cette chance, tu l'as prise, Emmanuel, et t'as eu raison. 1230 euros x 2, 2460 euros. On te double ton salaire. Merci beaucoup. Emmanuel, attention. C'est une femme dont le métier a été craint par nous tous. Oh là, oh là, surveillante dans un collège. C'est pas craint, mais c'est pas genre on te saute dans les bras. On sait que si on fait une connerie dans la cour et que tu regardes, on va être puni. On est là. Eh ben voilà. Ouais, mais il y en avait des sympas aussi. Ah, il y en a des sympas, mais bon. Oui. Ouais, ouais, ouais, mais enfin, tu donnes des heures de colle aussi. Un peu, ouais. Eh oui. T'essayais de les avoir dans la poche, quoi. T'étais hyper poli avec les surveillants, quoi. Oui. Bonjour, comment ça va? Tout va bien aujourd'hui? 10 fois par jour. Est-ce qu'ils t'appellent par ton prénom? Ah oui. Eh ben alors, j'appelle Manu. Quand t'appelles le pion ou la pionne par son prénom, tu te dis ça y est, c'est ma copine, c'est ma copine. Ouais, c'est vrai. Mais non. Non, on met la barrière quand même. Ils le savent. Et est-ce qu'il arrive qu'ils te draguent, les élèves? Ah ben ça oui, mais bon, c'est de la drague de collégien. Après, t'es jolie, tu seras ma femme plus tard, voilà. Et là, tu leur dis, écoute, passe ton Mac d'abord. Ensuite, on verra. Emmanuel, on te... quand t'as 18 ans, on dit. On te double ton salaire, 2460 euros. Ça arrive très vite pour toi, bravo. Merci beaucoup. Gros bisous, 7h08. Ça peut vous arriver vous aussi, il suffit de vous inscrire. Vous allez sur energie.fr, manudansle69.com ou sur l'application manudansle69. 7h08, Sean Paul tout de suite pour vous. C'est Mad Love. Bon réveil. Some of that. Love you know your booty pop when the beat drop. For me, my baby, where your teeth is a rap. Love the energy where your fingers don't rock. Step in, girl, you're peppering, you ever look hot. Every queen, girl, you know, so you never yet flop. I know I see, but me want for your talk. My eye the punch sheet, precise and exact. Good Lord, girl, it's going so hard. Girl, you like something best when I'm spreading it to a bar. You know how we swing. Jiggle up your body, jiggle up your sing sing. I'm glad to enable you are running sing thing. Open and back together, but you ever look hot. I'm the queen, but you know that I never yet flop. Are you ready for a night of loving? With the stamina king, me hear your body calling. Good Lord, girl, it's going so hard. Girl, you like something best when I'm spreading it to a bar. bienvenue sur Énergie, il est 7h11. Les amis, notre meilleur ami arrive. Notre nouveau meilleur ami arrive dans 5 minutes. Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. C'est nous qui l'avons. Il est avec nous depuis un mois et demi et déjà on l'aime. Même s'il est gênant parfois parce que en fait, l'intelligence artificielle Georges appelle des gens pour leur dire des choses parfois désagréables. Par exemple, imaginez, votre téléphone sonne, vous décrochez et vous entendez ça. Quelqu'un a pensé que vous devriez le savoir, vous avez mauvaise odeur. C'est pas très gentil. Ah, c'est pas ouf, ouais. Il l'a fait, et écoutez bien, le coup de fil, ça arrive dans 3 minutes. Avant ça, Paulette et Glandu, j'ai une liste pour vous. Vas-y, c'est quoi ? Fraîchement célibataire, j'ai une liste des avantages à être célibataire plutôt qu'en couple. Vas-y, c'est balance. Sympa, Manu. J'ai trouvé ça sur internet et je vais partager avec vous. Ah, c'est gentil. Et avec tous les célibataires. Ouais, vas-y. Et avec tous les gens en couple, ça va peut-être vous dire donner envie. Oui, c'est ça, c'est le risque. Tu n'es pas obligé de partager tes frites au restaurant. Ah, c'est vrai. Ah. Ouais, c'est vrai. Après, tu peux être avec des amis aussi qui t'en piquent. Faut faire attention. Quoi. Alors, le mieux, c'est de rester chez soi, manger ses frites seul. Seul, ouais, c'est ça. Tu peux boire directement à la bouteille sans être jugé. Ah ouais, ça c'est cool aussi. Ça quand même. Ouais, genre, oui. C'est important. Ah, oui. Ensuite, tu peux choisir la musique que tu veux en voiture. Ah. Eh oui. Ouais. Personne va te dire j'aime pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, j'ai pas le permis, j'ai pas de voiture, mais c'est pas grave. Ah oui, effectivement. Après, tous les célibataires n'ont pas tous pas le permis. Hein. Oui, je me doute. C'est pas ta liste, Paulette. D'accord, ok, désolé. Tu peux lécher le couteau et le remettre dans le pot de Nutella. Ah ouais, mais oui. Enfin, c'est dégueu quand même. Oh, c'est cracra. Moi, je le fais pas. Non, c'est toi. Mais oui, si c'est ton pot, c'est toi qui l'utilises après. Ouais. Exactement, c'est ton pot, c'est ton couteau, c'est ta salive. Tu fais ce que tu veux. Tu peux lécher le couteau, tu peux lécher ton assiette, tu peux tout lécher quoi. Mais exactement. Ah, quand t'es célibataire chez toi, tu peux arriver et lécher tes chaussures. Mais bien sûr. Peut-être pas. Cela dit. Tu te transformes en chien en fait. Quand t'es célibataire. Mais quand t'es célibataire, tu peux aller chez toi, sortir dans la rue, pisser sur le lampadaire. Revenons à la vraie liste. Dans la liste des avantages à être célibataire plutôt qu'en couple, il y a aussi tes sorties ressemblent à des vraies sorties, pas des doubles rendez-vous en couple où on boit une bouteille de vin à 4. C'est vrai. Tu peux inviter qui tu veux quand tu veux à la maison. Ah, ça c'est trop bien. Et tu ne prends pas le risque de passer une partie de ton week-end à Ikea. Sauf quand t'es en couple et que tu te retrouves célibataire et que là Ikea devient ta deuxième maison quand même. Parce que, faut alors vite meubler. Allez, 7h13, on vient tout de suite. Est-ce que tu réalises que rien n'est avec Kinvé et Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. Elle est pour vous dans 3 minutes. Bienvenue sur Énergie. Coucou les Wawa. Salut les Wawa. C'est Manu dans le 6-9. Énergie. Something about the way that you walk into my living room. Casually and confident. Looking at the mess I am, but still you want me. Stress lines and cigarettes. Politics and deficits. Late bills and overages. Screaming and hollering. On me. Ok, c'est Dadjou. C'est les chaînes comme Django, Django. Manu et moi, on a un point commun. On est tous les deux des beaux gosses. Et ouais. Et attention, si vous aimez Dadjou, les amis, vous allez pouvoir vivre un truc incroyable. Si ouais. vous êtes du côté du Gros du Roi, c'est pas loin de Montpellier, c'est pas loin de Nîmes, c'est pas très loin de Marseille aussi, ouais. vous allez pouvoir assister à un concert ultra privé de Dadjou au milieu de la mer sur un énorme catamaran. La folie, ça, c'est la classe. C'est un truc incroyable et on va le faire la semaine prochaine. On sera en direct du Gros du Roi tous les matins entre 6h et 9h30 ouais. et on va faire des événements là-bas, dont ce concert ultra privé. Si vous voulez y assister, si vous voulez assister à l'émission aussi, évidemment, et ouais. ben, il suffit d'aller sur manudansle69.com. Vous vous inscrivez, on fera un tirage au sort parmi tous ceux qui veulent venir parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut venir. et ce sera de toute manière, même si vous ne pouvez pas venir, retransmis en direct en vidéo grâce ouais. à un truc qui s'appelle Facebook. Moderne. Ça peut marcher. ouais. On fera des Facebook Live. 7h17, voici Georges. Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. Comme chaque matin, Georges appelle un peu partout en France pour dire des choses aux gens. Parfois des choses pas très gentilles. Bah oui. C'est ouais. pour ça qu'on dit que Georges est l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. Ouais. Aujourd'hui, il appelle des gens pour leur dire qu'ils ne sentent peut-être pas très bon. Ah, aïe. Et que quelqu'un l'a prévenu. Oh, c'est pas bien. Aïe, aïe, aïe. Ah bah regardez la réaction. C'est pas joli, joli. Allô. Bonjour, ceci est un message automatique. Bonjour. Quelqu'un a pensé que vous devriez le savoir, vous avez mauvaise odeur. Je dois raconter d'avoir des conneries là. Vous sentez et... mauvais. Ouais, et puis vous... Il existe aujourd'hui d'excellents savons. Et vous, vous sentez pas mauvais, vous? Vous puez, mais ce n'est pas irrémédiable. Bon, allez vous laver, après on repart ensemble. Nous voulons vous tendre la main. Oui, moi aussi, c'est pour vous aider. Il faudra mettre ou bégon, un truc comme ça, quoi. Il n'y aura plus d'odeur après. Hein. Je ne sais même pas si il va rester des os. Il faut vous laver le cul avec aussi, autrement. Oh. Merci de bien prendre cet appel. Le problème, il pue? Bah, il pue, il paraît qu'il pue, monsieur. Il pue d'où, hein? Bah, il pue du cul. Moi, je crois que c'est de la bouche, ouais. Oh la vache. Au début, on se dit que Georges est bizarre, mais en fait, c'est les gens qui sont bizarres. C'est ça. Oh le pétain, il y a Satan, quoi. L'appel automatique de Georges. Manu dans le 6-9. Vous les retrouvez tous si vous voulez réécouter le rire de Satan. Il y a les podcasts, ils sont là pour ça. Les podcasts sur manudansle69.com, sur l'application Manu dans le 6-9. 7h20, juste après Kinvé, on va retrouver Marie-Lou et Baptiste. Nos futurs bacheliers, on les suit, ils passent le bac encore aujourd'hui. Bon réveil. Est-ce que tu réalises que rien ne rivalise? Avec toi, prends tes valises, que l'on officialise. Toi et moi, tu réalises que rien ne rivalise? Avec toi, prends tes valises, que l'on officialise. Toi et moi, toi et moi, ça pourrait être une belle histoire. Bah ouais, quand tu auras un problème, j'accourrai. Si tu te noies, je serai taboué. Dis-moi ton secret pour m'avoir autant secoué. Car à toi je suis voué, chez toi la bouée. Est-ce que tu réalises que rien ne rivalise? Avec quoi prends tes valises, que l'on officialise. Toi et moi tu réalises que rien ne rivalise? Avec quoi prends tes valises, que l'on officialise. Toi et moi. Qu'est-ce que je ressens depuis des mois? Allez, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne-moi. Le fait que le verbe n'est moyen lorsque je suis près de toi. Car personne ne t'arrive à la cheville. C'est avec moi que je veux faire ma vie. Est-ce que tu réalises que rien ne rivalise? Avec quoi prends tes valises, que l'on officialise, toi et moi? Tu réalises. La, la, la, la, la, la, la. Bienvenue sur Énergie, 7h21. On va s'écouter Ed Sheeran dans 3 minutes. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Ouais. Ah oui. Nous sommes le 21 juin. C'est l'été, il va faire beau. La France joue la Coupe du Monde. Ah, c'est voilà. La fête de la musique. C'est le bonheur. C'est incroyable. Mais c'est aussi pour pas mal de monde les épreuves du bac. Bah oui. Aïe. Ouais. Baptiste, Marie-Lou, vous êtes avec nous? Ah, pardon, excuse-moi, j'avais pas appuyé sur le bon bouton. Refait. Baptiste, Marie-Lou, vous êtes avec nous? Oui, ah. Salut. Bienvenue sur Énergie. Vous nous avez appelé lundi parce que vous passez le bac tous les deux et on s'est dit, on va vous suivre tous les jours. Ouais. Baptiste est très décontracté. Il est en L, ok. Ouais. C'est ça, hein, Baptiste, hein? Ouais, je suis très décontracté, détendu, genre vraiment cool, à la cool. Génial. Hier, c'était l'anglais. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé genre nickel, vraiment. Je crois que j'ai tout réussi. Je suis au taquet. Quel positivisme. C'est magnifique. Génial. C'est, je te le souhaite pas, hein, mais si jamais t'as pas le bac, je vais rire. Ah ouais, ce serait le plus drôle. Mais je te le souhaite pas, ouais, évidemment. Marie-Lou, l'anglais. Marie-Lou, elle est en ES. Comment ça s'est passé l'anglais hier? Déjà, le texte, il parlait d'un monsieur qui était passionné de tarte avec des trains dessus. Oula, on t'entend mal. Marie-Lou, on t'entend mal. Tu n'as pas passé le bac forfait, apparemment. Tu m'entends? Oui, ça y est. Tu disais quoi? Le texte parlait d'un monsieur qui était passionné de trains avec des timbres. De timbres avec des trains dessus. Oula. Ah, je pense que t'as pas compris le texte. Désolé. Ah, merde. Ou alors tu t'es trompé de salle et t'es en latin. vous avez passé quoi aujourd'hui, Baptiste? Aujourd'hui, c'est littérature. Oula, la façon dont tu le dis là, ouais. C'est le plus gros coefficient pour toi, non, ça? Même pas, non. Même pas, d'accord, très bien. D'accord. T'as bien révisé? Pas du tout. Ah mince. Mais c'est pas possible. Ouais. Ça n'inquiète pas plus que ça. Mais comment tu peux être aussi décontracté sans avoir révisé? Même moi, je me le demande. D'accord. C'est-à-dire qu'il est détendu, mais pas rassurant. Tu vois, c'est ça. Si tu tombes sur un mec comme ça en pilote d'avion, tu flippes. Alors, je vais piloter, mais je n'ai pas appris. Voilà. C'est ça. Voilà. Mais ça va bien se passer. Mais c'est des boutons, j'imagine que... J'ai déjà joué à Call of Duty sur un ordinateur. Ouais. Je vois pas trop la différence. Voilà. Mais littérature, c'est pas le bac français. Il y a une matière littérature au bac? Bah oui, il y a carrément une matière. Pour les L, oui, il y a une moyenne de littérature. Ouais. Bah oui. Eh bah oui. D'accord, bah je l'ignorais. Je t'en prie. Je suis contente. Marie-Lou, toi, tu passes l'éco, c'est ça? Ouais, c'est ça, je passe l'éco et c'est mon plus gros coef. Attention, là, faut pas se planter. Ah ouais, non. T'as fait les impasses? Non, pas moi cette fois. Ah d'accord. Non, parce que tu nous avais comme chaque jour, oui, j'ai fait les impasses. Donc là, aujourd'hui, on voulait vérifier. Hein. Donc, je vais pas prendre trop de risques. D'accord. C'est quoi le thème que t'aimerais, de tes rêves? Thème que tu maîtrises à mort. Le développement durable. Le développement durable. Ah ouais, c'est cool. C'est bien ça. Ah, elle est écolo, Marie-Lou. Non, elle connaît juste le sujet. Ouais. Marie-Lou et Baptiste, on vous souhaite bonne chance. C'est à quelle heure aujourd'hui l'épreuve? À 8h. Eh ben les amis, filez, vous êtes à la bourre. Ouais. On se retrouve demain, on fera un point sur les épreuves d'aujourd'hui et puis on verra ce que vous passez quoi demain. Bon, on verra demain. Ouais. Concentrez-vous déjà sur aujourd'hui. Bonne chance à vous. Merci. Et Marie-Lou, si jamais t'as ton bac, on s'engage à t'offrir un nouveau téléphone. Allez, on revient tout de suite sur Énergie, il est 7h25, on va s'écouter Drake. Bienvenue sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9. Manu. Manu, il est waouh. 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Gagnez vos places pour le Baroukaville, le plus grand festival électro d'Allemagne. Avec la phrase Énergie. Si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. La radio des plus grands festivals, c'est Énergie. Surtout, retenez-la bien. Cette phrase vous permet de partir voir. This is Martin Garrix. C'est David Guetta sur Énergie. This is Axwell and Ingrosso. Et les top DJ mondiaux au Baroukaville en Allemagne. C'est à tout moment de la journée. C'est la phrase Énergie. Et si vous viviez plus intensément les matchs des Bleus? Moi, avec Orange, j'ai la Livebox. On va pouvoir suivre les matchs des Bleus comme jamais. Pareil. Mais moi, en plus, avec Orange, dans mon studio, les matchs sont en haute définition. Canapé ergonomique? Pareil. Frigo dans les accoudoirs? Pareil. Ouais, mais moi, je veux juste les regarder avec toi. Pareil. Ah. Ne ratez rien des matchs des Bleus avec la Livebox Zen à seulement 19,99€ par mois pendant 12 mois, puis 36,99€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Avec engagement 12 mois et selon éligibilité. 17€ par mois remboursé avec changement d'opérateur après le 17 mars. Détails sur odr.orange.fr. Supermarché Casino. Vos supermarchés Casino vous préparent des offres juteuses. Jusqu'à dimanche, profitez des heures Happy Hours et de 50% de remise en bon d'achat sur le rayon fruits. Casino, goûtez-moi cette journée.

Dans les bars, dans les rues, vous serez nombreux ce soir à sortir pour profiter de la fête de la musique. 37e édition cette année. Pour Amir, c'est sur scène que ça va se passer face à son public. Un rendez-vous à la saveur particulière depuis qu'il a été révélé en 2016 par son titre « J'ai cherché ». C'était la première fête de la musique que j'ai faite à la télé. On est arrivé le 20 juin pour chanter le 21 juin. Et le 20 juin, c'est mon anniversaire. Donc j'ai passé une journée mémorable dans laquelle je rencontrais plein d'artistes. J'étais à peine à mes débuts et qui venaient tous me saluer, me souhaiter joyeux anniversaire. En même temps, ils me félicitaient pour l'Eurovision qui avait eu lieu un mois plus tôt. Ma grande, grande, grande surprise était ce jour-là de recevoir une vidéo venant de Ryan Tedder, le chanteur lead du groupe One Republic, qui s'est plus tard, bien, bien plus tard, transformé en duo dans un titre qui s'appelle No Vacancy, qui était pour moi, à titre personnel, un cadeau d'anniversaire qui sera là pour toujours. Ouais, l'interview signée Morgane Derrien. Amir, en tournée partout en France, c'est avec énergie, évidemment. 7h32, fin de ce flash, jeudi 21 juin, l'arrivée de l'été avec le soleil. Manu dans le 6-9 pour nous accompagner. Bonne journée. Console de jeux vidéo de votre choix et l'écran télé qui va avec, c'est ce qu'on vous offre les amis. On va jouer au jeu des 5 mots, le meilleur jeu radio du monde. Peut-être que vous, c'est la première fois que vous nous écoutez, vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas ce jeu et vous dites mais pourquoi il dit ça? Eh bien parce que c'est vrai. Ouais. Le meilleur jeu radio du monde s'appelle le jeu des 5 mots, il est chez nous chaque matin. On va y jouer dans 5 minutes, ce sera juste après Drake et on vous offre la console de jeux vidéo de votre choix. Mais oui, c'est ouais, vous c'est qui ouf. Choisissez votre cadeau et on rajoute un écran télé avec. 0 870 42 48, vous pouvez nous appeler. Quelques infos, aujourd'hui c'est le 21 juin. L'info principale, évidemment, c'est qu'à 17h la France s'arrête parce qu'on joue au foot. C'est important. Évidemment, deuxième match de la Coupe du Monde de la France contre le Pérou. Ça va se passer tout à l'heure. Dans les autres infos, il y a c'est l'été. Ouais, c'est vrai. C'est aussi la fête de la musique. Ouais. Bravo. Ouais, c'est de la flûte. Ça c'est fait. Bien. Ouais, ouais. C'est bien. Le bravo, c'est vraiment le bravo de. C'est bien. C'est quoi? Du petit cousin qui vient de jouer. Qui... C'est bien. Ouais, c'est bien. Voilà, il n'est pas comme les autres gens, mais il joue de la musique, c'est bien. Aujourd'hui, nous avons un anniversaire à souhaiter. Ça, c'est l'hymne anglais. Oui. Ouais. Ouais. Et c'est l'anniversaire du prince William. Il a 36 ans. Est-ce que vous voyez à peu près tout ce qui est le prince William dans les princes? Bah oui. Ouais. C'est celui qui est chauve, mais qui met toujours ses cheveux restants. Oh, c'est ça. Oui. Des deux côtés. Ouais. Oui, mais il reste quand même sexy, on l'aime. Le... Ah non. Oui, mais. Ah, moi je l'adore. Ce qui est marrant, c'est qu'il a clairement plus de cheveux, mais pourtant, il essaye de rabattre ses cheveux sur le côté, sur le dessus, genre. Je suis pas chauve. Oui. Ouais, c'est gênant. Vous m'avez pas vu. Non, non, pas du tout. Il assume pas le. Oui, mais c'est ça. C'est, en fait, il est. C'est marrant. C'est les gens qui commencent à être chauves sur le dessus, mais qui. Il n'accepte pas. Ouais. Donc il laisse pousser beaucoup sur les côtés. C'est ça. Pour rabattre vers le milieu. Ouais. En mode, personne ne le verra. Ça fait de la peine, je trouve. Non, mais honnêtement, j'ai les photos du prince William devant les yeux. C'est vraiment ça. Quoi. Ouais. Non, je suis pas chauve. Ouais. Non. Non, c'est vrai. J'ai toujours eu cette coupe de cheveux depuis que je suis petit. J'ai toujours été comme ça. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Mais je comprends pas pourquoi il met pas une petite perruque, un petit. Un petit toupet. Peut-être parce que ce serait pire. Ouais. Mais il va faire une barthèse. Il rase comme ça. En plus, on peut lui faire des bisous sur le front. On fait pas des bisous à tous les chauves non plus. Hein, mais c'est cool. Parce que là, t'es très Coupe du Monde et tout, mais tout le monde ne le fait pas. Ouais, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on a dans les infos encore? Une étude. Oui. Une étude du Centre National du Livre qui a été dévoilée, qui a été menée sur 1500 jeunes. Mmh. 86% des 15-25 ans aiment lire. Ah ouais. C'est génial, c'est une belle info. C'est surprenant, hein. Ah ouais, c'est énorme. Tous les livres ou... Alors, non, je pense qu'ils comptent les textos aussi dedans. La vérité. 7h35, dans 3 minutes, les amis, juste après Drake, on joue au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots, on vous offre la console de jeu de votre choix. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey, no. I finesse down Western Road, hey, yes. Might go down to G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait, yeah. I make sure that Northside E, and feel. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom, I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dog. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own, ayy. Someone watching this shit close, yup, yeah, close. I've been me since Scarlet Row, ayy, row, ayy. Might go down as G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, ayy, wait. I make sure that Northside E, yeah. And still. Bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and on me. Bienvenue sur Énergie, il est 7h38, on va écouter Calvin Harris dans 3 minutes, on va jouer au jeu des symboles dans quelques secondes, et on va se poser une question juste après Calvin Harris. La question est simple, suis-je une mauvaise personne? Ça nous arrive à tous de faire un truc pas très joli, oui. Mais qui n'est pas très grave, et quand on le fait, on se dit, suis-je une mauvaise personne? Ouais. Est-ce que je suis une mauvaise personne? Je vous donne un exemple, j'ai commandé à manger, j'avais la flemme de faire à manger, j'ai commandé, et le livreur est arrivé. Et en fait, je me suis aperçu que j'avais pas de monnaie pour donner un pourboire. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui ai dit que j'ai pas de pourboire? Et en fait, non, j'ai juste pris le truc et. T'as refermé la porte. En paniquant un peu, j'ai rien dit. Bon, je me suis dit, est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Est-ce que j'aurais pas dû lui dire la vérité? Est-ce que. Voilà. Bah non, t'as pas de monnaie, non, là pour le coup, vraiment, t'es pardonné. Hein. Ok, cool, je refais tout le temps. Non, pas tout le temps. Vous avez compris le principe. 0-870-42-48. Et qu'est-ce que vous avez fait? Le pas super joli joli. Et ça vous fait dire, suis-je une mauvaise personne? Aurélie est avec nous au téléphone. Bonjour Aurélie. Salut Manu, salut Léon. Salut. Avant d'écouter Calvin Harris, on va jouer ensemble au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots. Es-tu prête? Ah ouais, je suis carrément prête. Ça tombe bien parce qu'Aurélie, on va jouer toi et moi. Super. Les règles sont simples. Dans un instant, je vais sortir du studio. Je serai dehors, je serai dans le couloir. Déjà, tu me manqueras. Non. Moi aussi. Oh là là, qu'est-ce qui nous arrive ? Je serai dans le couloir, je n'entendrai plus ce qui se passe. Laure va te donner 5 mots. Ouais. Après chaque mot, eh bien, tu lui donneras le premier qui te vient à l'esprit. Ensuite, je reviens. Elle fait pareil avec moi. Et dès qu'on a un mot en commun dans nos réponses, eh ben, c'est on gagné. Et à toi, la console de jeux vidéo de tes rêves, de ton choix, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Pour m'amuser avec ma famille, tout le monde, la Nintendo Switch. Eh ben, elle sera pour toi, la Nintendo Switch, Aurélie. Et tu sais quoi ? Comme t'as une grande famille, il te faut une grande télé. Je t'offre la télé qui va avec. Manu. Dis donc, Aurélie, des gens nous regardent. Je compte sur toi, Manu. Moi aussi, je compte sur toi, Aurélie. Attention, c'est parti, je sors. Rendez-vous dans 30 secondes. Ok. Allez, Aurélie, t'es prête ? Oui, je suis prête. Allez, c'est parti. Étiquette. Vêtements. Phare. Voiture. Caché. Jeu. Barrière. Barrière de maison. Et recette. Recette cuisine. Ouais, on est pas mal. Allez, on va faire un schéma. J'espère qu'il va être tranquille là. Mais t'inquiète pas, ça va le faire. Ah, je croise les doigts. Attention Aurélie, je suis de retour. Ah ouais. Manu. Tu le sens bien? J'espère, écoute. Mais oui, elle a été top. Mais oui. Aurélie, c'est petit mieux. Oui. J'ai même pas peur. C'est parti, on joue au jeu des 5 mots, c'est pour toi. On y va. Étiquette. Prix. On avait dit vêtements. Ouais. Oui, pas mal. Phare. Voiture. Et ben voilà. super cadeau, mais je suis trop fan. Mais tu as complètement raison. Oui. Oh, c'est trop bon. Il restait trois mots. Ouais, caché. Oui. Caché, planqué. Jeu. Ah. Ah. Barrière. Barrière. Train. Maison. Ouais. Et pour finir, recette. Cuisine. Bah voilà. Ouais. Tout simplement. Super Manu, t'es au top. Ouais, je me défends, c'est trop farien. Aurélie, bravo à toi, tu repars avec ta Nintendo Switch et l'écran télé qui va avec, on t'embrasse très fort. Merci les amis. Gros bisous les wawa et puis bah profitez à fond de ce soir, la fête de la musique. Voilà. Ouais. Et bah tout pareil Aurélie. Ok, merci beaucoup. Gros bisous. Bisous. 7h42, Calvin Harris et Dua Lipa sur Énergie. Soyez les bienvenus. On démarre cette journée ensemble. C'est Manu dans le 6-9 et c'est l'été. Soyez les bienvenus sur Énergie, vite avec Claudio Capéo, ça arrive dans 3 minutes. Et avant ça, on se demande si on a été une mauvaise personne. Ouais. Mmh. On a fait un truc qui n'est pas super top et on se dit, est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Ouais. 0870-42-48, on continue avec vous, on a Gladys au téléphone. Bonjour Gladys. Bonjour Manu, bonjour les wawa. Salut. Hello. Bienvenue sur Énergie, qu'est-ce que tu as fait qui t'a fait te demander, suis-je une mauvaise personne? Bah en fait voilà, j'ai une cousine qui m'appelle souvent, qui met trois plombes au téléphone, ma cousine Elisa. Et du coup, bah, au bout d'un moment, bah, je prétexte que mon mari il a besoin de moi pour raccrocher rapidement. Oh, suis-je une mauvaise personne? Je crois Gladys que tu n'es pas une mauvaise personne et que nous avons tous cette cousine. Bah, ouais. Ouais. Ça peut être une cousine, ça peut être un cousin, ça peut être un collègue de travail, ouais, ouais. Ça peut être un une oncle, tante, ça peut ouais. être n'importe qui, ouais. Mais on en a tous un ou une. Après, ouais. Si à chaque fois que tu dis que ton mec a besoin de toi, il va passer pour un as, ton mec. Quoi. Donc, à chaque fois, il a besoin. Ouais, mais moi. Bon, après, c'est pas moi, c'est pas grave. Ah, voilà. Alors, oui, t'es une mauvaise ouais. personne. Merci de nous avoir appelé, Gladys. Glandu. Moi, une fête de village, c'était ce week-end là. J'ai humilié un enfant de 6 ans au Chamboultou. Ah, c'est mal. Qu'est-ce que t'appelles humilier un enfant au Chamboultou? Bah, il était nul, quoi. Et du coup, moi, j'ai tout chamboulé, j'ai tout fait tomber. Et ah oui, il a, c'est... Ah il oui, a, c'est... oui il, vas-y. Il a pleuré. Bah non, il fallait laisser gagner. Mais elle était mignonne, la fille qui tenait le stand. Je pouvais pas me laisser. Non, mais c'est vrai, je pouvais pas me laisser humilier. Je pouvais pas me laisser humilier. Ah non, c'est un enfant. Oh, mais glandu. C'est compliqué en même temps. Je joue. Non, mais... Bah oui, moi quand je joue aux échecs avec ma fille, je la laisse pas gagner. Hein. Oui, bah vous devriez. Voilà. Mais non, pourquoi ? Mais parce que la vie est assez dure, on n'a pas. Préservez-la encore un peu. Bah préservez-la, je vais pas. Si je la fais gagner aux échecs et que ensuite d'un coup je la bats, elle comprendra pas. Mais faut pas les laisser gagner, faut leur apprendre les règles de la vie. Après, quand tu les lances comme ça dans la vie tout seul, mais ils s'en sortent pas. Apparemment, bon, ouais. Voilà, t'as eu une enfance difficile. Non, mais moi, mon père, pour que j'apprenne à nager, il m'a jeté dans l'eau. J'ai nagé. Alors ça ne se fait pas, chez vous. Sous peine de mort. Alors, l'été arrive, vous allez peut-être vous retrouver à la piscine avec vos enfants, ne les jetez pas dans l'eau. Non, mais j'avais à peu près pied, et puis il était à côté pour me rattraper. Ah. Je te promets que tu te dis, il faut que je nage, parce que je vais pas m'en sortir de cette histoire. Cette histoire explique beaucoup de choses sur Paulette, en fait. Elle explique aussi le fait qu'en tombant dans l'eau, elle s'est peut-être un peu cognée la tête. Wow. On a Mathilde avec nous au téléphone, bonjour Mathilde. Bonjour Manu, salut les ouin-ouins. Qu'est-ce que tu as fait dernièrement qui t'a fait penser « Oh, est-ce que je suis une mauvaise personne ?» Alors moi, quand je suis à l'ascenseur et que je vois des voisins qui arrivent, en fait, bah, j'appuie discrètement sur le bouton de fermeture des portes. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne ? Mathilde, on l'a tous fait. Oui. Oui. Mais après, il y a différents niveaux. Moi, j'en suis pas au niveau d'appuyer sur fermeture des portes, mais j'en suis simplement au niveau. Attends, Manu, mais quelle mauvaise foi. Attends, vas-y, non, vas-y. J'appuie sur le bouton de l'étage et je regarde pas. Ouais. Et je reste fixé sur le bouton. C'est ça. Mais j'appuie pas sur le fermeture de porte. Ouais, c'est ça, que toi, tu te mets de dos, quoi. T'es plus vicieux, quoi. Ouais. T'es là. Putain, c'est pas bien, hein. C'est pas bien, mec. Tu le fais pas. Non, moi, je le fais pas. Attends, moi, si je te vois arriver au loin, forcément, j'attends, quoi. Bah oui. Attends, il y a des fois, toi, t'es encore plus vicieux aussi. Parfois, effectivement, tu te mets de dos. Et parfois, t'attends que j'arrive, et là, tu fermes les portes devant moi. Non, mais ça, c'est parce que je vois que t'arrives, et je sais que j'ai le temps de te faire cette bonne vague. J'appuie sur le bouton, et je te fais un petit signe. Ça, c'est pas, t'es pas une mauvaise personne, t'es un génie. Mathilde, merci de nous avoir appelé. T'inquiète pas, tu n'es pas une mauvaise personne. Paulette ? Ouais, j'ai viré, moi. Ouais, t'es une mauvaise personne. Okay. Non, j'ai viré un pote de Facebook parce qu'il arrêtait pas de publier des déclarations d'amour à sa copine. C'est lui la mauvaise personne. Ah, merci Manu. Oh non, mais attends, honnêtement, sur Facebook. Mais c'est dégueulasse pour les gens comme moi. Je n'ai pas été jusqu'à virer les personnes, mais les couples qui parlent entre eux par mur interposé. Oui. Appelez-vous, quoi. C'est l'amour. Et tu lis tout. Faites-le en message privé. Il y a Facebook, si on a envie de le faire par Facebook, on peut le faire, on est libre. Mais c'est trop bizarre, quoi. Mimi d'amour, je pense à toi. Écris un texto, quoi. C'est comme si tu imagines dans la vraie vie. Ouais. C'est comme si t'es en téléphone avec elle, tu mets un haut-parleur sur des enceintes Bluetooth dans toute la boîte. Exactement. Et tu dis Mimi d'amour, j'arrive. Et tout le monde l'entend. Oh, Mimi d'amour, moi aussi. Ouais, mais excusez-moi, c'est de l'amour pour tout le monde. Mais non, pensez aux célibataires, merde. Parce que nous, ça nous fait mal. Hein. Ah, ben nous, ça nous rappelle notre statut. Hein. Ouais, et puis pensez aussi aux gens en couple qui ne reçoivent pas de messages comme ça. Bah ouais, c'est ça. Il y a des occasions éventuellement pour le faire, mais pas tous les jours. Bon, c'est réglé. C'était quoi ta question au départ ? Est-ce que je suis une mauvaise personne ? Non, c'est l'autre là qui nous. Ah, merci, Manu. Merci. Je t'en prie. 7h50. Vita et Claudio Capéo sur Énergie. On est avec vous pour démarrer cette journée. Soyez les bienvenus. C'est jeudi, c'est l'été. Oui. C'est la fête de la musique. À 17h, il y a du foot à la télé. L'équipe de France joue. C'est une belle journée. Comment se couche, on se lève. Regarde ce qu'ils nous ont fait. Elles veulent tirer sur nos rêves. Elles le font pour de vrai. Le mal ne connaît pas la grève. Le mal est dans les têtes. Les petits préparent la relève. Pendant qu'on cherche la paix. Ce monde n'a plus d'âme. Ce monde n'a plus d'âme. Sauvez-moi ici, je crève. J'ai plus cran. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Soudainement seul, ça m'obsède. Je cherche la paix. On fait semblant, nos cœurs s'éteignent. On est tous des mères. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Vendez-moi un peu de rêve. J'ai plus cran. Je cherche la paix. Je cherche la paix. Le choix c'est marche ou crève. On veut juste exister. ils ont peur qu'on s'élève. Comme ça vous négligez et toutes nos séquelles que rien ne peut réparer. Dis-moi du pantin, c'est lequel qui dit la vérité. Ce monde n'a plus d'âme. Mes ailes m'envoler. Je suis tellement seul, ça m'obsède. Je cherche la paix. On fait semblant, nos cœurs s'aiment. On est tous des mères. Avant que la lumière s'éteigne, j'ai tout à donner. Vendez-moi un peu de rêve. J'ai plus grand. Je cherche la paix. Ils veulent nous contrôler. Ils veulent nous faire taire. Je cherche la paix. Tout miser pour toucher nos rêves. Je cherche la paix. Et qu'est-ce que ça peut faire? Tout miser pour toucher nos rêves. Vendez-moi un peu de rêve. J'ai plus de temps. Sauvez-moi ici, je crève. J'ai plus grand. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Je suis tellement seul, ça m'obsède. Je cherche la paix. On fait semblant, nos cœurs s'éteignent. On est tous des mères. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Vendez-moi un peu de rêve. J'ai plus grand. Bienvenue sur Énergie, il est 7h53. Il y a le nouveau hit de The Weeknd. Ah, oh, trop bien! Je suis tellement fan. Allez, on va s'écouter. Ah ouais? Ah, yes. Ça s'appelle Call Out My Name, ça arrive pour vous dans deux minutes. Avant ça, quelques infos. Ouais. La Française des Jeux a lancé hier un avis de recherche. Alors, sans préciser le département, elle a annoncé qu'un Français ne s'est toujours pas fait connaître pour empocher la somme de 36 millions d'euros. Oh, mais non, mais non. Oh, mais ça rend fou, ça. Il y a quelqu'un qui a potentiellement 36 millions d'euros, il s'est toujours pas annoncé. Oh là, c'est là. Ouf, ça. C'est dingue. Ok, c'est moi. Non, je sais pas si jamais il faut que je vais dire ça. Ouais, ça se tente. Ouais. Ça se tente, j'ai annoncé. Ouais. Voilà. Ouh, non, j'ai pire comme info, les amis. Hein? Oh, aïe, aïe. Alors attention, ouais, quoi. Il est possible, alors que je vous le rappelle, nous sommes en pleine Coupe du Monde, qu'il y ait dans les jours à venir une pénurie de quelque chose d'indispensable au football. Des ballons? Non, de la bière. Oh, mais non, quoi? Mince. Mais comment ça? Oh, non. Une pénurie de bière qui touche la Russie, quoi, qui touche l'Europe, donc non. Nous. La raison, les fournisseurs de COD, qui est nécessaire à la carbonisation de la bière, commencent à manquer de réserve. Oh, les gars, oh, prévoyez. Oh là là. Les amis, mais... Non mais qui joue sans ballon, c'est pas grave. Mais qu'on regarde sans bière, non. Ah non. Ah non. Faites des réserves. Franchement, l'essence, je m'en branle. Mais la bière. Ah ouais. Alors, ah bah consommer avec modération, évidemment. Ouais. Évidemment. On revient dans 5 minutes, les amis, avec les infos. Et on va doubler votre week-end. Mais votre week-end, non, votre salaire. Il est en vacances. C'est dans 10 minutes pile. Et il y a le nouveau titre de The Weeknd. Ouais. Tu sais que c'est The Weeknd, hein? Ah, ouais. Sexy. The Weeknd, c'est simple, dès qu'il chante, t'as l'impression d'être dans 51 degrés. C'est ouais, ça, c'est exactement. On va s'écouter après, vous avoir doublé votre salaire à 8h05, à tout de suite. Manu sur Énergie. Manu dans le 6-9. Sur Énergie. Bonne journée à vous. Votre radio préférée. Vos hits préférés. Ici, c'est Énergie. Only. C'est moi. Bah, t'as changé la table? Non. Et le buffet? Non plus. J'ai appris à relooker nos meubles chez Ikea. Waouh! Mais qu'est-ce que t'as fait de l'armoire de ma mère? Ah là, j'ai rien pu faire, mais elle fera une très jolie table basse. Vous aussi, offrez une nouvelle vie à vos meubles. Ce samedi 23 juin chez Ikea, vivez une journée exceptionnelle autour du développement durable. Profitez des conseils de nos experts au cours d'ateliers gratuits pour réduire notre impact sur l'environnement. Ikea. Liste des magasins participants sur ikea.fr. Mes lunettes, moi aussi, j'adore les changer. Ça tombe bien, Sharon. La nouvelle collection de Chin-Chin, elle est exceptionnelle. Moi, je veux bien tout changer, mais surtout pas mon opticien. Moi, c'est Afflalou. Chin-Chin spécialité, c'est 2 lunettes de plus pour 1 euro de plus. Et c'est jusqu'au 15 juillet. Voir conditions en magasin, dispositif médical, demandez conseil à votre opticien.

une sorte de baroud d'honneur pour plusieurs syndicats avant la fin du mouvement la semaine prochaine. À la CGT, en revanche, on ne baisse toujours pas les bras. Des appels à la grève seront lancés ponctuellement pendant tout l'été. Pas de date officielle pour le moment, mais les départs en vacances ne seront pas forcément épargnés. Un mot du bac, le planning ce jeudi, c'est du très lourd ce matin avec la littérature pour les L, l'éco pour les ES, la physique-chimie pour les S et les séries technologiques. Bon courage encore une fois et surtout n'oubliez pas les corriger immédiatement après les épreuves sur energie.fr. Elle nous fait savourer la plus longue journée de l'année. Comme tous les 21 juin, la fête de la musique va ambiancer toutes les rues de France ce soir. À Nice, pas moins de 30 000 personnes sont attendues pour profiter d'un grand concert en plein air avec notamment Big Flo et Oli, Jane, Kenji, mais aussi Slimane. Pour lui, c'est une très belle occasion de plus de se rassembler. Moi, avant, je faisais exprès de pas chanter à la fête de la musique pour pouvoir aller profiter des concerts dans la rue. J'aimais bien m'amuser, faire la fête avec les potes, voilà, profiter de cette belle journée, belle soirée pour faire la fête. Et aujourd'hui, ben maintenant, à chaque fois, je suis sur scène, donc c'est encore mieux. Et je me dis que moi, la musique, c'est quelque chose qui a bouleversé ma vie. Et je trouve ça important de la fêter. Voilà, c'est important de fêter les belles choses et la musique en fait partie. Ouais, interview signée Guillaume Bernillon. Le grand concert de la fête de la musique à vivre ce soir à 20h55 depuis Nice sur France 2. Si vous cherchez aussi un lieu près de chez vous, vous pouvez aller sur fêtedelamusique.fr. Les forces de l'ordre sont mobilisées également pour assurer notre sécurité toute la nuit. Attention également aux nombreuses restrictions de circulation prévue dès le début de l'après-midi, un petit peu partout en France, donc pour cette fête de la musique. Jeudi 21 juin, c'est l'arrivée de l'été, la plus longue journée de l'année. Vous retrouvez Manu dans le 6-9 pour bien commencer. Et nous, on se donne rendez-vous dans une toute petite demi-heure. Ce sera pour le prochain flash. On parlera évidemment de la météo et aussi du foot. Allez les Bleus! On est là! C'est nous! Oui! Bonjour! Que personne ne panique, nous tenons la barre, nous maîtrisons totalement la situation. C'est vrai, ouais. Ah bon? Bah, et jusqu'à maintenant, excusez-moi, mais prouvez-moi le contraire, nous sommes immortels. Ah! Ouais, c'est vrai, vu comme ça. Alors, t'as raison. Et là, ouais. Du coup, votre journée s'éclaire, mais c'est vrai! Mais oui! Jusqu'à maintenant, nous sommes immortels. Cool. Jusqu'ici, tout va bien. Ouais, c'est chouette. Je garantis pas la prochaine heure et demie. Ah, on porte pas malheur. Mais on va. Mais on, non, mais au niveau de la qualité de l'émission. Ah! Ça, ok. Ouais. Ça, oui. Ah, là, on est d'accord. Voilà. On est avec vous en direct, comme chaque matin, dès 6h jusqu'à 9h30. On est là, on démarre cette journée qui est belle, les amis. Nous sommes le 21 juin. C'est le premier jour de l'été. C'est la fête de la musique. La France joue ce soir contre le Pérou à 17h. Ouais. Ils peuvent pas perdre. Génial. Ils peuvent pas perdre avec ah tout non, ça. Ah non, pas ça. C'est pas possible. Quel est votre pronostic pour ce soir? Les amis, votre pronostic peut vous faire gagner une PS4 Pro. Ouais. Ah. Vous allez sur notre page Facebook, facebook.com/Manu dans le 6-9. C'est les pronostics Manu dans le 6-9. À chaque fois que l'équipe de France joue, vous mettez vos pronostics en commentaire. Parmi les bonnes réponses, on en tirera un au sort, une PS4 Pro. D'accord. Votre pronostic ce soir, génial. France contre le Pérou, il n'y a pas de PS4 Pro à gagner, je vous l'annonce. Hein. Ah, okay. D'après vous, Laure? 2-1 pour la France. 2-1 pour la France. Paulette? 3-1 pour le Pérou. Oh non, oh non, c'est improbable. Mais qu'est-ce que tu dis? Oh, t'es folle, toi. Ah non, 3-1 pour la France. Oui. Ah oui, parce que oui, il faut dire pour la France. Et mais 1 pour le Pérou, à la fin, il y en a un qui passe comme ça, qui dribble et qui marque. D'accord. Voilà. Oh, ok, merci de tes commentaires. Ouais. Sur le foot? Oui, oui. Je peux me lancer dans une carrière de journaliste? Non, arrête ta phrase, là. Je peux me lancer. Nico? Un petit 2-0, là, pour la France. Ah, ce serait pas mal. Mais oui, 2-0. Ça serait pas mal. Allez, 3-0, et 1 et 2 et 3-0, des Français en forme. Et ben moi, je dis 4-2. Ah ouais? Ouais, c'est ambitieux. Ah, c'est un beau match, là. Je dis 2-0 de la France. Après, le Pérou, il donne tout. Il remonte à 2-1. Il remonte à 2-2, c'est la folie, folie, folie. Et à la fin, bim boum, on a mis 2. Ah ouais, ah ouais, boum, ouais, boum, boum, boum. Ah ouais, gros, voilà. Match. Ah ouais, gros match, ouais. Hyper long, non? Non, 1h30, ça ne... Ah ouais, t'es vraiment nul, alors. Voilà. Oui, mais je regarde. Ouais. Je regarde, mais en même temps, je fais d'autres choses, parce mais, que bon... Mais dis-moi, 4-2, il va être plus long que d'habitude, le match. C'est génial. Non, ça dure 1h30, un match, Paulette, c'est mais... Okay. Allez, ne perdons pas de temps. Est-ce qu'on va lui expliquer le hors-jeu? Non, c'est pas la peine. Non, mais le hors-jeu, personne ne comprend jamais. S'il y a des gens qui comprennent, ouais, c'est pour ça qu'ils jouent en même temps. Allez, 8h06, changeons de sujet. S'il te plaît. Le nouveau hit de The Weeknd arrive, avant ça on double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Énergie.fr, Manu dans le 6-9.com ou sur l'application Manu dans le 6-9, vous vous inscrivez. Et tous les matins on double votre salaire à 7h05 et 8h05. Kiman habite Bu. C'est rigolo comme nom. Ouais, c'est drôle. Ouais. Bu, c'est en Eure-et-Loire. Attention, elle a 27 ans et elle touche 1320 euros chaque mois. Qui manne de but. Attention, décroche ce téléphone. Allô ? Allô, c'est Kimane ? Oui, c'est ça. De Kimane de But ? Oui, tout à fait. C'est rigolo, un village qui s'appelle But. Oui, c'est ça. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est Manu sur Énergie ! C'est ça. Bravo ! Ouais. Oh non, j'hallucine, c'est pas possible. Bah si, c'est possible. Mais non. Bon bah non, d'accord. Non, si, oui. Kimane, tu touches 1320 euros chaque mois, c'est ton salaire? Oui, c'est ça. Eh bien, je vais te le doubler, ça va faire pour toi 2640 euros. Oh non, t'es le meilleur. C'est vrai. Mais c'est vrai, mais ça me coûte cher. Oh non, quand même. Kimane, tu es, alors attention, vernisseuse de composants pour satellites. Ah ouais. Oui, c'est ça. Alors, tout est-ce à fait. Que tu peux nous expliquer en une phrase ton métier? Alors, je suis en train de trembler, j'ai du mal à m'exprimer. en fait, du coup, je... Excuse-moi, okay. J'arrive pas à parler. Il n'y a pas de problème. Ce qui m'inquiète, c'est si tu fais ton métier comme tu l'expliques. Parce que vernisseuse de composants pour satellites, j'imagine que c'est un truc très important. Ouais, c'est ça. Si tu pars sur les côtés, ça risque d'être compliqué. C'est quoi? C'est des composants électroniques pour les satellites et toi, tu les vernis? Oui, voilà, c'est ça. En fait, moi, ce que je fais, c'est de la protection contre tout ce qui est les poussières, les radiations. T'as un vernis anti-radiation? C'est ça. Waouh. Et tu l'achètes chez Mariono? Pardon? Non, je demandais, je m'y connais pas en vernis. Ouais. Mais tu dois être balèze du coup pour te vernir les ongles. Voilà, évidemment. Ah bah franchement, c'est un avantage. Ah ouais, ouais. Mais alors du coup, tu ne te vernis pas les ongles avec le truc anti-radiation, j'imagine. Ah non, on va éviter parce que je pense que ça doit être un peu toxique, donc je vais éviter. Oh la vache. Wow. Et tu fais ça, tu vernis des composants toute la journée. Voilà, c'est ça, toute la journée. En fait, je fais ça vraiment sur toutes des cartes. Il y a des grandes cartes, des petites cartes. Et ces trucs-là, ensuite, ça part dans l'espace? Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Oh, wow. Ça, c'est génial. Wow. Ah ouais. Tu touches quelque chose, tu fais un truc qui part dans l'espace. Waouh. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est monter dans des satellites, et après, les satellites, ils vont dans l'espace. C'est génial. Ah ouais, c'est génial. Ah ouais, c'est fort. Alors là, bravo. Ouais. Bravo parce que moi, je le ferai pas. Hein. Ouais. Non, trop la flûte de foirer mon truc. Et t'as la navette qui part, ça explose. Oh là, c'est Kimane, ça. Après, je sais pas où ils vont exactement. Hein. Ouais, il faut mieux. Tu pourras toujours dire non, c'est pas moi, c'est Bernard celui-là. Voilà, c'est ça. Non, je vois pas de quoi vous parlez. Kimane, on te double ton salaire. 2640 euros, ça arrive très vite pour toi. Merci beaucoup. Vous êtes géniaux. Restez comme ça, vous êtes énorme. Écoute, on reste comme ça parce qu'on ne sait pas faire autre chose. On t'embrasse, Kimane, bravo à toi. 8h10, je vous ai promis le nouveau hit de The Weeknd, les amis. Et ben, c'est pour vous juste maintenant et après, c'est les concours du jour qui arrivent. Bienvenue. We found each other. So proud and openly. de The Weeknd et comme tous les hits de The Weeknd, il les enregistre dans sa salle de bain. Ah ouais. 8h13, on va écouter Orelsan et Stromae, mais avant ça, voici les concours du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables aujourd'hui. Concours du jour spécial voleur. Ah ouais. On démarre en Espagne, un homme est interrogé comme témoin sur le vol d'une voiture, un taxi qui a été volé dans sa rue. Mmh. Et là, il dit à la police, désolé, j'ai rien vu parce que en fait, moi, je suis pickpocket et j'étais occupé à faire des poches à ce moment-là. Non, pas trop honnête. Alors, il n'est pas ressorti de l'interrogatoire. Ouais. Le mec est toujours en prison. Ouais, c'est que faute avouée, pas à moitié pardonnée. Aux États-Unis, un voleur est en train de fuir. Il essaye d'échapper à la police, il est à pied, il y a une course-poursuite, il sprint comme un fou dans la rue et il pense avoir semé la police à ce moment. Il se retourne pour voir s'il les a bien semés et là, bim, il se prend à toute vitesse à par mettre dans la tête. Mais non. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, comme quand on se prend un truc dans la tête, bim, assommé, il tombe par terre, la police est venue juste le ramasser. Voilà, ça ne se passe pas que dans les dessins animés. Dernier concours du jour spécial voleur, au Canada, un homme va chez le fleuriste pour qu'un bouquet soit livré chez sa copine. Oh. Il donne l'adresse de sa copine, tout se passe bien, elle prépare les fleurs, et d'un coup, il sort un revolver et il dit « Ah, au fait, et sinon, je vais aussi prendre la caisse tant que j'y suis. » Oula. Bah, okay. Donc la nana, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne la caisse, ouais. Et le mec se barre. Sauf que le mec a été rattrapé très rapidement, puisqu'en fait, juste avant de braquer la caisse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné l'adresse de sa copine. Eh oui. Pour faire livrer les fleurs. Oh. Donc la fleuriste, elle a donné l'adresse de la copine à la police, qui est allée chez la copine, qui a raconté tout, qui a dit « Ah bah oui, je le connais effectivement », qui a donné son adresse, qui est venue le chercher. Oh, oh là là. Il a tout perdu. Et pourtant, le plan était tellement redoutable. Allez, 8h14, les concours du jour reviennent évidemment dès demain, les amis. Ouais. À la même heure. Orelsan et Stromae. Toujours autant de pluie chez moi. Ça arrive pour vous dans 3 minutes. Toujours autant de pluie chez moi. A tout de suite. Manu. Manu. Manu dans le 6-9. Sur Énergie. Énergie. Salut, c'est Presnel Kimpembe de l'équipe de France de football. À chaque fois, je suis heureux d'être sélectionné. Mais j'avoue, je comprends pas un truc. Pourquoi le coach ne sélectionne jamais Manu? Ça, ça reste vraiment un mystère. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Ne m'en parle pas, ça me rend dingue. 8h18, Orelsan et Stromae, ça arrive pour vous dans quelques secondes. J'ai une info sur la Coupe du Monde. Oui. Ouais. Enfin, je sais pas, on va voir, peut-être que c'est le hasard. Mais figurez-vous que le nombre d'heures de RTT posées par les Français aujourd'hui pour ne pas rater le match, peut-être, est de 12 millions. Oh, le nombre d'heures de RTT posées par les Français aujourd'hui pour ne pas rater le match. C'est dingue. C'est énorme. 12 millions. Ouais. Chaud. Mais encore, ils les posent, ils disent pas qu'ils sont malades, quoi. Ah oui, oui, donc non, mais. C'est honnête. À 17h, ne prenez pas de rendez-vous téléphonique. Ah oui, non. 8h19, Aurel Salé Stromae sur Énergie. Et juste après, c'est le jeu de Glandu. Ouais. Ah Le principe du jeu de Glandu est très bon, il est merveilleux. Si vous ne le connaissez pas, restez avec nous dans 3 minutes. Le principe est simple, il va nous poser une question à chacun qui démarre par, d'après toi, qui dans le studio qui dans le studio ferait ça? Qui dans le studio est capable de faire ça? Qui dans le studio est le pire? Et après chaque réponse, on s'engueule. C'est dans 3 minutes sur Énergie. Je viens de la France où on danse la chenille, où on prend plus de caisses que des crash tests demi. J'ai des potes diplômés, d'autres qui ont pas lu de livres, qui sont sûrement sur un mur et dans les rues du centre-ville. Mon père a gravi l'échelle pour devenir ce qu'il voulait être. Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre. Je connais la campagne et ses gros sabots, où ça vole pas haut, les ragots et les oiseaux. Toujours autant de pluie chez moi. Où y'a plein de petits vieux, où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux, où on critique les invités qui viennent de partir. C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir. Je viens de la classe moyenne, moyennement classe, où tout le monde cherche une place. Une lumière claire dans le monospace, je freestyle est dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces. Y'a la pluie en featuring dans toutes mes phrases. Toujours autant de pluie chez moi. Mais il fait quand même beau. Moyen du soleil 40 jours par an. Tu peux passer la plupart de l'année à l'attendre. Je regardais par la fenêtre enfermé dans ma chambre. Je priais pour la fin de l'averse et aller faire de la rampe. Je connais que le bruit de la pluie, l'odeur du béton mouillé. Si je suis parti, c'est parce que j'avais peur de rouiller. Trempé, j'aurais jamais pensé que le mauvais temps finirait par me manquer. Il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi, il fait beau. Toujours autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi. 8h22, soyez les bienvenus sur Énergie. Juste après les infos de 8h30, on va s'écouter Bad Wolves avec Zombie. Mais avant ça, quand faut y aller, faut y aller. Voici le jeu de Glandu, comme on le fait régulièrement dans l'émission, une fois par semaine. Le principe est simple, il va nous poser des questions à chacun, qui commencent toutes par, d'après toi, qui dans le studio? Oui. C'est moche de faire ça. Oui. Mais tu remarqueras qu'on se prête au jeu à chaque fois. Ouais, c'est vrai, je suis heureux de ça. Et on doit répondre honnêtement, quitte à fâcher les autres. C'est le but, ouais, c'est ça. On commence par Laure. Oui, tout à fait. D'après toi, qui dans le studio était le petit chouchou du professeur à l'école? Oh bah Nico, sans hésiter, il a les gènes du faillot, Nico. Oh. Mais je l'aime, non mais c'est je t'aime, fou. Nico. T'es faillot. On n'a pas dit faillot, on a dit chouchou. Ah ouais, oui, bah donc faillot égale chouchou, forcément. Ouais, c'est vrai. Pas forcément, pas forcément. Bien sûr que si. Enfin, je dis Nico, c'est ma réponse. J'étais en effet au premier rang et quand des élèves discutaient, je disais chut, oh. Ah oui, Je ne supportais pas, mec. Mais non, mais putain, on essaye de suivre. Tu sais quoi, on essaye de suivre. Si j'avais su ça, jamais j'aurais bossé avec toi. C'est quoi, j'avais mon classeur aussi. Oh non, non. Si tu m'étais entre les deux pour pas que l'autre copie. C'est quoi, faut réviser, les gars. Au lycée, j'avais un pote comme ça, mais qui était un bon pote. Mais dès qu'on était en classe et qu'il y avait un devoir, ça devenait, mais ça devenait il vrillait. Il faisait comme toi. Non, copie pas, non, machin. Et on sortait, c'était genre, ouais, super, qu'est-ce qu'on va faire et tout. C'était improbable. Mais comment tu peux être pote avec ce gars? J'en ai toujours voulu. Alexis, je me rappelle. Il balance. Ça, je pourrais balancer son nom de famille. Il mérite. Alexis de Prince. Oh, il le dit. Allez, on continue. Nico, tu pars te venger. D'après toi, qui dans le studio offrirait la moitié de son argent à des associations s'il gagnait 5 millions d'euros au loto? Ah bah non, c'est cool ça. Ouais, mais du coup, c'est moins cool pour les autres. Franchement, je pense que Paulette le ferait. Ah oui, avec grand plaisir. Je pense qu'elle serait capable. Elle est hyper. J'ai pas besoin d'un gros budget, moi, tu sais. Du coup, est-ce que si je crée une association, par exemple, pour que Manu ait une piscine, est-ce que ça marche? Je ferais une tête à voir, tu sais. Les sentiments. Paulette, d'après toi, qui dans le studio est le ou la moins romantique? Alors. On a le droit de s'auto... Non mais alors, là je dirais peut-être en ce moment un petit peu glandu. Disons, il est célibataire. En général. En général, je suis désolée. C'est pas Laure, c'est pas Nico, c'est toi Manu. Bah ouais. Tu préfères quoi? Une soirée dîner romantique et film ou une soirée gamer avec tes copains? Oula. Tu sais quoi? Tu me connais mal. Ah bon? Mais je sais que derrière cette console, il y a un petit cœur qui bat. Non, derrière cette console, il y a un putain d'écran télé 4K. Voilà, on a la réponse. Dernière question. Elle est corsée la dernière, Manu, et elle est pour toi. Attention, d'après toi, qui dans le studio a les parents les plus portés sur la chose? Les parents. Mais attends, mais c'est évident. On avait dit pas les parents. Mais c'est clair, c'est les parents de Nico. Quoi? Mais attends, les parents de Nico, ils ont un camping. Pardon? Mais attends, au camping, forcément. Mais ouais, ça y va. Mais oh, les gars, c'est la, ça fait du slip. Les parents de Paulette, ils étaient naturistes. Mais moi, j'ai rien dit. Bah si, t'es là, toi. Attends, c'est à moi qu'il a posé la question. Ferme les yeux, Nico. Non, mais je te connais, mec, depuis des années. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Voilà. Nico, maintenant que t'as les yeux fermés, pense à tes parents. C'est dégueulasse. Au camping, l'hiver, il fait froid. Mais arrête, c'est horrible de faire ça. Mais non. Quelle horreur, et pourquoi je ferme les yeux? Mais joue pas à son jeu. C'est dur. Non, c'est dur. C'est compliqué de s'imaginer les parents faire l'amour. Mais il faut pas. Mais comment t'es né d'après toi? Je veux pas le savoir. Je sais pas, j'étais pas là. Et quand ils installent un nouveau bungalow au camping, il faut bien le tester. Mais le camping quoi. Bah oui. On a tous été au camping, on a tous été une des petites histoires d'amour. Je veux pas savoir ce qui se passe au camping de mes parents, je suis pas. Mais je te le dis. Je te le dis ce qui se passe. Je vais quand même checker TripAdvisor pour voir s'il y a des avis un peu chelous. Super ambiance, super accueil. Mais les propriétaires sont un peu chauds. Prochain jeu de glandu la semaine prochaine, les amis. On revient tout de suite. Avec Bad Wolf, c'est Zombie. C'est juste après les infos de 8h30. Soyez les bienvenus. C'est Manu dans le 6-9. C'est le premier jour de l'été. À tout de suite. Manu dans le 6-9. Énergie. Venez voir vos stars préférées sur la scène du Énergie Music Tour. La plus grande tournée musicale gratuite en France poursuit sa route et s'arrête à Disneyland Paris samedi. Venez défier le rythme pendant l'été des super-héros Marvel. Sur scène, Kenji, Amir, Dadju, c'est Offenbach sur Énergie, Claudio Capeo et Vita, Cécilia Krull et David Moss, Slimane, Kinvé et Kungs. C'est Kungs sur Énergie. Gagnez vos invitations maintenant sur energie.fr. Le Energy Music Tour. Samedi. À Disneyland Paris, pendant l'été des super-héros Marvel. Un événement Energy. It's music only. Salut, moi c'est Bertrand. Bertrand Kill. Dans la vie, ce que j'aime, c'est rester calme. Pas de stress. Par exemple, pour avoir la paix avec ma voiture, je prends toujours rendez-vous en ligne chez Citroën pour sa révision et je bénéficie de 20 euros de remise. Et comme en ce moment, il y a aussi 60 points de contrôle offerts, autant vous dire que ça détend. Enfin, je me comprends. Bref, merci Citroën. C'est cool! Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non

Allez les Bleus, on croise les doigts pour la France qui joue aujourd'hui son deuxième match de la Coupe du Monde de foot en Russie. Rendez-vous donc dès 17h face au Pérou. La victoire serait quasiment synonyme de qualification assurée pour les huitièmes de finale. Les autres rencontres du jour, Danemark-Australie et Argentine-Croatie avec un certain Lionel Messi. Le retour à la semaine de 4 jours à l'école. À la rentrée, 70% des maternelles mais aussi des primaires seront revenus à l'ancien rythme scolaire en France. Le ministre a présenté hier un grand plan mercredi pour accompagner les mairies et leur permettre de proposer des activités intéressantes pour les enfants pendant les temps libres. Il y aura avant tout plus de moyens grâce à des aides de l'État. Bon courage aussi à tous les élèves de terminale qui passent le bac cette semaine. Ça continue ce matin. La littérature pour les L, l'éco pour les ES, la physique chimie pour les S et les séries techno. Les corrigés sont disponibles immédiatement après les épreuves sur energie.fr. De nouvelles perturbations à la SNCF dès ce soir et pour un petit peu plus de 2 jours. Les cheminots reprennent donc leur mobilisation. La CGT de son côté, l'un des principaux syndicats, a de nouveau confirmé hier que le mouvement continuerait bel et bien cet été. Des dates de grève seront annoncées ponctuellement et peut-être même lors des départs en vacances. Foot et concert, le programme est déjà tout vu pour ce 21 juin avec le match des Bleus à 17h et la fête de la musique ce soir, c'est la 37e édition. Des centaines d'artistes professionnels ou amateurs investissent les rues pour nous faire danser jusqu'au bout de la nuit. L'occasion pour certains de faire leur premier pas sur scène, un petit peu comme Vianney qui a lui aussi fait son baptême du feu il y a quelques années. En fait, le premier concert de ma vie, tu vois, j'avais un groupe, j'étais collégien, c'était une fête de la musique. J'étais avec mon frère, j'avais 14 ans. Je pense que c'était nul, parce que franchement, on ne savait pas trop bien jouer, mais on était à fond. C'était un super moment, il y avait toute ma classe qui était venue, mon collège et tout. Et c'est génial la fête de la musique, franchement, tu sors, tu vois plein de gens, et tu vois que c'est important. Aujourd'hui, que je fais beaucoup, beaucoup de concerts. J'essaie surtout quand même, quand je vois des amateurs jouer, de me rappeler la frénésie que c'était. Une fois la fête de la musique, c'est exceptionnel, et je trouve ça très beau à voir. Les gens, comme finalement, ils sont heureux de s'exprimer ce soir-là. Il y a leurs amis, leur famille et tout. Je trouve ça cool, moi. Ouais, interview signée Morgane Barthélémy. Vianney, qui s'est beaucoup amélioré depuis, il enchaînera les festivals tout l'été, notamment les déferlantes d'Argelès avec énergie. 8h34, c'est la fin de ce flash. On est le jeudi 21 juin, c'est la fête de la musique, le début de l'été. Allez les Bleus! Ce serait le sujet dont il faut absolument parler à un premier rendez-vous si on veut avoir beaucoup plus de chances de conclure. Il faut le savoir, ça. Ce sujet, je l'ai devant les yeux et la réponse arrive dans 5 minutes, les amis. Juste après Bad Wolf, ce sera dans les sondages du matin. Si vous devez aller au boulot maintenant, vous êtes dans la voiture, attendez. Attendez. Là, c'est sérieux, là, c'est important. Ce sera juste après Bad Wolves. Avant ça, on peut s'écouter quelques messages qui arrivent sur notre application. L'application Manu dans le 6-9 que vous pouvez télécharger. Il y a des beaux cadeaux à gagner en ce moment. Il y a aujourd'hui à gagner, écoutez bien, sur l'application Manu dans le 6-9, un pack Bose avec des enceintes Bluetooth, un casque sans fil et des écouteurs sans fil. Ah, ça, c'est très bien. Il suffit de télécharger l'application et elle vous permet aussi de nous envoyer des messages vocaux. Allez, on en écoute quelques-uns. Coulez, Wawa. C'est juste pour faire un petit coucou de Nouvelle-Calédonie. Je vous fais plein de bisous. Oh, c'est cool. Ah, c'est stylé. Ouais, sympa. On sait pas la placer sur une carte, mais on est content de savoir. On sait que c'est loin. Et exactement, ouais. Que c'est une île et qu'il y a de la mer autour et qu'il fait beau. Ouais, c'est vrai. Voilà, est-ce qu'on a besoin de savoir plus? Bah non. Non. Mais bravo à toi de nous écouter de là-bas. Autre message. Salut les Wawins. Je sens que pendant cette semaine au Gros du Roi, ça va pécho entre Glandu et Paulette. Oh. Ah, allez, bisous. Oh, alors on vous rappelle que la semaine prochaine, nous serons au Gros du Roi, c'est pas très loin de Montpellier. Ouais. On va faire l'émission en direct tous les matins et en public. Vous serez plus de 300 à pouvoir venir avec nous, assister à l'émission chaque matin. Il suffit de vous inscrire sur manudansle69.com. On va aussi avoir des événements de dingue. Déjà, l'émission de lundi, elle va être surréaliste. Tal va chanter en live comme jamais elle n'a chanté en live. Et comme je crois, jamais aucun chanteur n'a chanté. Ouais, c'est vrai. Vous avez peut-être vu au MTV Music Awards Pink chanter accroché sur un immeuble comme les énormes comme les grands laveurs de vitres là qui font des trucs incroyables. On a mieux que ça avec Tal. Ah, ouais. Énorme. Elle a accepté. Elle peut plus se dégonfler maintenant. Non, elle peut plus. Ah, on peut dire qu'on a réussi à allier la Coupe du Monde et la plage. Et c'est un peu ça quoi. L'ambiance plage et non, vraiment c'est la plus mauvaise explication que tu peux donner. Ils sont trop hantis. Mais c'est bien tenté quand même. Lundi, il y aura aussi un concert privé de Dadju sur un bateau au milieu de la mer. Génial. Vous pouvez vous inscrire sur Manu dans le 69.com. On va faire aussi mercredi un barbecue géant. Ce sera dans les arènes du Gros du Roi. Vous pourrez venir. Il y a plus de 150 personnes qui pourront venir avec nous. Vous vous inscrivez aussi. Et dans la semaine, on va faire un concert acoustique surprise de Slimane aussi. Ouais. Ça, c'est Pas mal. Ça, c'est trop bien. L'émission, ouais, évidemment, en direct et en public tous les matins. Vous voulez venir, vous pouvez venir à plein. Jusqu'à 6-8 personnes, je sais plus. Enfin, vous pouvez y aller. Ouais. Plus de 300 places chaque matin pour venir avec nous. Ça va se passer au Gros du Roi toute la semaine prochaine. Et pour revenir au message, Glandu, Paulette. Quoi ? Ah, mais on va sortir au Gros du Roi. Ah, Glandu, Paulette, quoi, tous les deux, tu veux dire ? Ou tu veux dire. Je sais pas, après, c'est votre. Dans le mec. Ouais. Le mec, il fait des coupes. Vas-y, on organise un truc, on se donne genre rendez-vous au bar à 17h et nous, on n'y va pas. C'est très gênant. Ah ouais, excusez-moi. Malaisant, on dirait mon papa quand il essaie de me maquiller avec. Je suis désolé, mais quand on part en vacances en groupe, il y a toujours des couples normalement qui doivent se former. Glandu, tu veux que j'aille lui demander à Paulette si elle veut sortir encore ? On verra, la chaleur peut nous faire faire des choses. C'est incroyable. Non, je rigole. Il est fou. Il est trop flippant. Glandu, j'ai dit un truc, mais si tu rigolais pas, c'était non. Ça fait trop peur. Ah merde. 8h38, dans 3 minutes, les amis, c'est les sondages du matin. Je vais vous révéler le sujet dont il faut absolument parler. Un premier rendez-vous pour avoir plus de chances de conclure. Cool. Soyez les bienvenus sur Énergie. On va écouter le numéro 1 en France en ce moment. Maestro avec Bella Ciao. Ouais. C'est pour vous dans 3 minutes, mais avant ça, comme chaque jour, c'est le moment des sondages du matin. Ouais. Yes. Attention, celui-là, il peut vous sauver la vie. Ouais. Ce serait le sujet dont il faut absolument parler à un premier rendez-vous si on veut avoir beaucoup plus de chances de conclure. Quel est le sujet ? Laure. Aborder ses passions. Non, non, non, non, c'est plus précis que ça. Ah, la littérature. La littérature. Ah, pas du tout. Ça a un rapport avec le sport ou pas du tout ? Pas spécialement. Non. Cinéma ? C'est pas le cinéma. Mmh. C'est quelque chose sur nous ? Ça parle de nous ? Oui. Ah ouais ? Oui. C'est goût ? Non. On parle d'argent ou pas ? Non. Non. De sexe ? Non plus. Ses rêves, ses ambitions ? Non, mais c'est. Ouais, c'est un truc comme ça. Ah ouais. Ses défauts ? Parce que justement, on se. Je vais vous le dire. Ce serait le sujet dont il faut absolument parler à un premier rendez-vous si on veut avoir, selon ce sondage, beaucoup plus de chances de conclure. C'est notre enfance. Ah, parce qu'en fait, quand tu parles de ton enfance, tu te dévoiles. Oui, puis tu te reconnectes avec ton enfant intérieur. Tu parles de toi, tu partages quelque chose. Ouais. Et donc la personne en face se dit waouh, il partage déjà des choses avec moi. Ouais. Des choses qu'il n'a peut-être pas dites à d'autres, alors que si, évidemment, à chaque premier rendez-vous. Ouais. Mais du coup, bah, t'as un truc de confiance comme ça. Moi, j'avais pas de copain, j'avais que mon chien comme meilleur ami quand j'étais petit, quoi. Ça fait pas rêver. Non, effectivement, ça dépend de ton enfance après. Ouais, ouais, voilà. Si t'aimais arracher les ailes des papillons, tu vois, c'est pas. Il faut pas le faire. Nous passons en moyenne 2 ans de notre vie dans cet état. Dans quel état, Paulette? Stressée. Non. Endormie? Non plus. Envie de faire pipi? Non plus. En colère? Non plus. Je vous donne un indice. Oui. Ouais. Paulette. Ah, ok. Ah, c'est quoi? Bourré. Bourré. Ouais. Ouais. On a tous eu l'idée. Je croyais que vous alliez dire fatigué, mais pas bourré. Ah bah non, bourré, bourré. Nous passons en moyenne 2 ans de notre vie ivre. Wow. Deux ans? Deux ans. Deux ans. Ouais, je sais, ça semble peu pour l'être, mais. Mais pour nous, ça semble beaucoup, tu sais. C'est pas bien, putain, la modération, elle est où, là? La modération? Ah ouais, elle est où? Je sais pas, Paulette a changé les serrures de chez elle, donc elle a pas pu rentrer. Oh merde. Bon, la pauvre réputation qu'on fait à Paulette. C'est horrible, ouais. C'est pas vrai, je bois pas tant que ça. Elle a quand même changé les serrures. 2% des gens ont déjà pleuré en voiture à cause de ça. À cause de quoi? Ils ont croisé un animal mort. Non. D'une panne? Non plus. C'est un truc qui se passe dans la voiture ou pas? Alors, c'est un rapport avec la voiture, mais ouais. Ça se passe pas dans la voiture exactement. D'accord. Ils ont vu des petits animaux traverser sur une route. Non, alors ça n'a pas de rapport avec les animaux. Voilà, okay. Comme ça, moi, tu arrêtes, parce qu'après ça va être. Ils ont eu un petit pendentif en forme d'animal. Non. Okay. Ça se passe sous le capot? C'est pas sous le capot, ça se passe pas dans la voiture, il n'y a rien à voir avec le moteur. Oula. Oula. Ah bon? Ah. Parce qu'il faut changer un pneu. Non, ça, non, rien à voir avec la voiture, vraiment. Ça n'a rien à voir avec, avec quelque chose qui est dans la voiture ou sur la voiture. Mais c'est à la station-service ou pas? C'est à un endroit. Mais c'est pas une station-service. Ils ont raté la sortie. Ils se rendent compte qu'ils ont raté la sortie d'autoroute. Non, mais alors, ça a un rapport. Il y en a dans les sorties d'autoroute. Ils sont à la mauvaise queue du péage. Ça a un rapport avec le péage. Ah, ils ont pas de monnaie pour le péage. Ça a un rapport avec le fait de payer le péage. C'est trop cher. C'est trop cher, oui. Ah ouais, oui. Ah, c'est vrai. 2% des gens ont déjà pleuré à cause du prix du péage. Oh, oh non, Patrick. C'est abusé. Ah ouais. Bah, c'est abusé, enfin, tu veux. C'est Paulette. La meuf hyper too much dans l'empathie. Ouais. Ouais, carrément, quoi. Non, mais le prix du péage, ça. Ah, mais vraiment, je suis effondré. Je suis vraiment avec vous. Paulette, t'en fais trop. Allez, 8h45. Les sondages du matin reviennent demain, évidemment, à la même heure. Et si vous voulez réécouter ce fabuleux moment de Paulette à l'instant, c'est aussi en podcast, malu-dans-le-6-9.com et sur l'application malu-dans-le-6-9. On va s'écouter l'Istro et juste après, on vous prend téléphone, les amis, venez nous raconter ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Ouais. Okay, c'est aussi simple que ça. Allez, 0 870 42 48, on vous prend au téléphone dans 3 minutes. Soyez les bienvenus, c'est Manu dans le 6-9. La mattina, ils sont svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina, ils sont svegliato. Ed ho trovato l'invaso. Tu m'as tant donné, j'attends ton retour. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. J'ai beau chanter, mais j'attends toujours que tu reviennes dans mon amour. Je continue sans toi, tu vas m'en vouloir. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oui, je l'ai fait pour toi, je t'en prie, pardonne-moi. Et à contre-cœur, oh. La la la la la la la la la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Je t'envoie mes mots de là où je suis. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Quand tous les efforts, tous les sens non plus de prix. J'ai crié ma peine, mon poing sur les murs. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Crier que je t'aime, briser mon armure. L'âme qui pleure mais le cœur dur. La la la la la, la la la la la. La la la la la. ciao, bella ciao, ciao, ciao, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Bienvenue sur Énergie, 8h48. Enough for me. J'adore le nouveau Pink. Ouais. C'est cool. On va s'écouter. Ça arrive dans 3 minutes. Avant ça, 0 870 42 48, c'est notre numéro de téléphone. On vous prend tout de suite. Venez nous raconter ce qui se passe dans votre vie en ce moment. On ouais. a Yann qui est là. Bienvenue Yann. Salut Manu. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment Yann? Alors en ce moment, moi, ma copine, elle m'a demandé de trouver des endroits un peu particuliers, insolites pour faire l'amour, parce que dans le lit, elle s'ennuie un peu. Alors, elle s'ennuie à cause du lit ou elle s'ennuie Non, ouais, elle a envie de... Un casser petit la temps, routine elle a, voilà, elle, c'est ça. Elle a envie, d'accord, elle a envie d'endroits originaux pour faire l'amour. Ouais, qu'est-ce qui vous plaît, avez des idées? Qu'est-ce qui plaît à une fille comme endroit original pour faire l'amour? Wow. Du coup, on a deux filles dans l'équipe, ça tombe bien. Ouais, ouais. Alors, un endroit original? Oui, dans un parking. Parce que t'es à la fois tout seul et à la fois dans un endroit qui fait un peu peur. Tu peux être surpris, mais en même temps, tu peux te cacher. Mm-hmm. Et moi, je le faisais avec mon premier mec, c'est très excitant. Et puis, rappelons aussi que tu peux être filmé. Ouais. Ah, on n'avait pas pensé à ce détail. Parce que tu vas pas sur les sites. Paulette, proposition d'endroit original? Ah ouais, moi je dirais dans la forêt. En fait, moi j'avais un ex, il était venu me chercher à la sortie du taf et il m'avait emmené faire une balade en forêt. Oui. Et du coup, on avait fait la chose. Mais alors, excuse-moi, je l'ai fait une fois. Ouais. Je ne le referai plus jamais. Ouais. Parce que j'ai eu pendant 3 heures encore les marques de pommes de pin dans le dos en fait. Ah, ouais, ça fait mal. Ça fait trop mal. Et quand je dis dans le dos, je dis dans le dos. Oula. Oula. Ouais, Yann, à toi de choisir, propose et elle disposera. Ok, ça marche, merci. On te souhaite une belle journée, Yann. Sébastien, bonjour. Bonjour Manu, bonjour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie? Eh bien écoute Manu, j'ai un coup de gueule, voilà. Je suis barman dans le wagon-bar d'un TGV. Oui. Et mesdames, messieurs les voyageurs, s'il vous plaît, dites bonjour quand vous passez une commande. C'est insupportable, vous commandez votre café, votre casse-croûte et vous repartez sans dire bonjour. Bah si ouais. vous continuez, je ne sers plus, voilà, c'est réglé. Oui, ah bah c'est bien, c'est très bien. Ouais, Sébastien a un coup de gueule. Ah ouais. Alors, attends, ah oui. attends, Sébastien, tant que je te tiens, tu nous ferais pas une petite annonce TGV de, tu sais, comme quand tu dis le bar est ouvert et tout ça? Ah bah écoute, vu que c'est le matin, oui, pourquoi pas, on va essayer, moi, de faire une petite annonce petit déjeuner par exemple. Vas-y. Bonjour, je suis Sébastien, votre barista. Je vous informe que le bar est ouvert et situé en voiture numéro 4. Aujourd'hui, nous vous invitons à déguster, grâce à la formule Pinège, une viennoiserie avec un laitage ou une douceur fruitée, accompagnée d'un jus ou d'une boisson chaude ou gourmande. Pour 12 000 euros. Non. Voilà. C'est génial. C'est génial. Voilà, je vous souhaite de passer un agréable voyage. Oh ouais. Ah ouais. Et donc, on dit bariste. Barista. Ouais, on dit barista. J'ai jamais entendu ça. Ah, bah si, maintenant ils le disent dans tous les trains. Ouais, ouais, absolument. C'est stylé quoi. Ils disent votre barista. Ouais, stylé, ils, disent, ouais. ils disent plus votre serveur, votre barista. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu te dis, merde, je parle pas italien. Je sais pas si... C'est pour ça qu'ils te disent pas bonjour, Sébastien. Ils sont impressionnés. Voilà, ouais, ça devait être ça. On te souhaite une belle journée. Et belle puis, journée à vous. Et tu nous rappelles dès que tu bosses, rapport à la fin de la grève. Avec plaisir. Ciao, Sébastien. Ben, bonjour. Salut Manu, salut les Wawins. Merci de nous appeler. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment? Eh ben moi, j'ai appris à ma chienne de m'enlever les chaussettes quand je rentre chez moi après le boulot. Et elle kiffe faire ça. Elle a, c'est son moment préféré après la bouffe dans la journée. C'est génial. C'est drôle ça. Ah ouais, c'est énorme. T'arrives, t'enlèves tes chaussures, elle vient, elle t'enlève les chaussettes. Ah ouais, je m'assois, hop, j'enlève mes chaussures, je lui tends un pied, elle le prend, et elle tire, hop, et après elle me fait l'autre pied. C'est rigolo, c'est génial. Mais il y a des maîtres... Comme ça, avec leurs animaux, ils leur apprennent des petits tours qui sont super drôles. Genre comme ça. Voilà. Moi, je connaissais quelqu'un, il disait à son chien, give me five, et le chien, il donnait la patte et il tapait comme ça. Ah ouais. Genre, tape-moi cinq. Le chien, c'est cool. C'est fort. C'était génial. Moi, je connais une chienne qui fait pipi aux toilettes. Ah ouais ah. Ouais, c'est un copain à moi, il a une chienne et elle se met sur le bord de la cuvette et elle fait pipi. Mais c'est un Jack Russell. Hein. Oui, mais il faut savoir aussi que du coup, le maître, lui, fait pipi sur les lampadaires dans la rue. On peut pas tout avoir. Et non. Moi, j'ai eu des voisins qui avaient un perroquet et dès que quelqu'un rentrait dans l'appartement, le perroquet il faisait c'est un con, Coco, c'est un con, c'est un con, Coco, c'est un con. C'est génial. C'est accueillant. C'est, pour les premiers rendez-vous, ça s'arrête là. Hein. Ben, merci de nous avoir appelés, on te souhaite une belle journée. Merci.

Après des débuts mitigés, les Bleus vont tenter de se rassurer aujourd'hui pour leur deuxième match de Coupe du Monde. La France retrouve le Pérou en Russie à 17h avec quelques changements annoncés. Olivier Giroud et Blaise Matuidi devraient être titulaires. Et puis en cas de victoire, la route vers les huitièmes serait quasiment dégagée. Au programme également ce jeudi, Danemark-Australie et Argentine-Croatie avec un certain Lionel Messi. Dans l'actu également, nouvelle perturbation en vue dès ce soir à la SNCF. Un épisode de plus de la grève perlée des cheminots. Prévision dévoilée comme d'habitude vers 17h. Concernant cet été maintenant, la CGT a confirmé hier que le mouvement continuerait bel et bien pendant les vacances. Pas de date annoncée pour le moment, mais les grands week-ends de départ ne seront pas forcément épargnés. C'est du sérieux, Instagram vient de basculer dans un nouveau monde, celui des réseaux sociaux qui comptabilise plus d'un milliard d'utilisateurs actifs sur la planète. Un club très privé avec notamment Facebook, WhatsApp et Messenger. Rien qu'avec la pub, Insta devrait gagner près de 5 milliards d'euros cette année. Pas de pause, les 750 000 élèves de terminale français planchent sur de nouvelles épreuves du bac. Aujourd'hui, littérature au programme pour les L, l'éco pour les ES et la physique-chimie pour les S et les séries techno ce matin. Bon courage à tous ceux qui passent le bac cette semaine. N'oubliez pas, les corriger immédiatement après les épreuves sont disponibles sur energie.fr. Un bon moyen de lancer l'été, la fête de la musique revient ce soir partout en France avec des centaines de concerts au programme comme d'habitude. L'heure pour les amateurs de se révéler au public. Et il n'y a pas si longtemps que ça, Big Flo et Oli, eux aussi, se lançaient dans les rues de Toulouse. Olivio, le plus jeune des deux frères, en garde un très bon souvenir. Ouais, la fête de la musique, c'est un moment hyper particulier pour nous. Et je me demande si ça allait autant pour les autres artistes. Nous, c'était un super moment, un bon moment en famille. Notre mère nous amenait en ville et on jouait dans la rue. On jouait dans la rue, batterie, trompette. C'était un vrai moment de musique, un vrai partage avec les gens. Tellement que ça devenait connu d'année en année. Et les gens venaient dans la même rue à chaque fois, jusqu'à finir sur la grosse place, place du Capitole, pour une émission de télé à Toulouse. Donc c'est magnifique. Quoi. Ouais, interview signée Morgane Barthélémy, Big Flo et Oli, donc, qui se préparent pour une scène encore plus grosse ce week-end. Ils lanceront leur saison des festivals du côté de la capitale sur l'hippodrome de Longchamp pour Solidaise. 9h04, c'est la fin de ce flash. Belle entrée dans l'été aujourd'hui avec du soleil et Manu dans le 6-9. Allez les Bleus! Chaque journée là avec vous pour démarrer cette journée, pour créer ensemble cette journée. Et quelle journée les amis, ouais. Ouais. Aujourd'hui c'est le 21 juin. C'est le premier jour de l'été. C'est la fête de la musique, ouais. Et à 17h la France joue contre le Pérou, yes. La totale. C'est génial. Qui va bosser? Personne. Dersh. Ouais, c'est sûr. Kaigo, on va se les écouter. Ça arrive dans deux minutes pour vous. À propos de foot, si vous voulez gagner une PS4 Pro, vous pouvez faire votre pronostic sur notre page Facebook, facebook.com/Manu dans le 6-9. Ce sont les pronostics Manu dans le 6-9. C'est très simple, vous donnez votre pronostic pour le match. Si vous avez la bonne réponse, et ben c'est peut-être vous qui allez gagner une PS4 Pro. On fera un tirage au sort parmi les bonnes réponses, ouais. Vous pouvez y aller dès maintenant. Et à propos de photo fou aussi, on vous met sur notre page Facebook, sur manudansle69.com et sur notre application, le bingo match de foot, yes. C'est le même principe que tous les bingos. Ce sont des cases à cocher dès que ça se passe, ouais. Vous regardez le match de foot et dès que vous entendez une des phrases qui est dans le bingo, clac, vous cochez, ouais. C'est les phrases classiques, hein. C'est t'as mis les bières au frais, ouais. Oh. Avec aussi celle qui suit, tant que t'es debout tu peux me prendre une bière, ouais, oui. Nico, si Zizou était là, eh bien, ça va, ouais. Classique. T'as aussi la phrase on a gagné ou alors ils ont perdu. Ouais, c'est, ouais, toujours ça. Ah, évidemment, toujours, c'est ça. Sûr, c'est sûr. Avec les phrases aussi type dans on est les bleus ou les rouges. T'as toujours quelqu'un qui maîtrise pas bien le, le truc. Ouais. Le bingo du foot, les amis, c'est pour vous. Vous pouvez le télécharger. Glandu. Et l'arbitre, on peut toujours critiquer l'arbitre, c'est le plus facile. Quoi. Ah bah, il y a une phrase aussi sur l'arbitre. Ouais, bien sûr, avec un mot, un gros mot, je crois. Bon, à voir. Glandu, justement. Les infos de Glandu arrivent dans 3 minutes. Ouais. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne se pose. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Tu respires par où, Manu, toi? Alors, tu sais quoi? C'est tentant, hein. Je vais te dire un truc. Ouais, ouais, il n'y a même pas la peine de. Ouais. C'est quoi? Même pas la peine d'aller au-delà. Ouais, tu les vois venir. Je suis sûr que l'info que tu vas nous donner a un rapport avec le cucu. Je te dis pas. Je ne te dis pas. Sinon, tu me demanderais pas. Ce serait trop facile. Tu me poserais pas la question, mais je vais jouer le jeu. Alors, moi, je respire par le nez et la bouche. D'accord. Et bien, certaines tortues ne respirent pas par là, mais par un autre endroit. Et je ne te dis pas où. Je le connais comme si je l'avais fait. Non, il est fort, il est fort. Les infos de Glandus. Les tortues qui respirent par un endroit, on ne sait pas comment ça se passe. Ouais. C'est dans 3 minutes sur Énergie, juste après Kaigo pour réveil. It never fades away, it's staying. Your kiss like broken glass on my skin. And all the greatest loves ending violence. It's tearing up my voice, left in silence. Baby, it hits so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter where you are, you can keep my regret. Baby, I got these scars, reminding me to forget. Reminding me I got these scars to forget your love. Keep reminding me, oh, to forget your love. There's no room in war for feelings. Hurt me to the core, still healing. And I know you're no good for me. So I try to forget the memories. Cause baby, it hits so hard, I'm holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter where you are, you can keep my regret. Baby, I got these scars, reminding me to forget. You left your mark, you left your mark, reminding me to forget. You left your mark, reminding me to forget. You left your mark. Remember, I told you. Much as you like, I need you to let go. I got things we meant to, but I'll be alright. Yeah. Baby, it hits so hard, I'm holding on to my chest. Baby, I got these scars, reminding me to forget. You left your mark. You left your mark, reminding me to forget. 9h09, on est avec vous comme chaque jour pour démarrer cette journée. Soyez les bienvenus, c'est Manu dans le 6-9. Il y a Ed Sheeran qui arrive. Les infos de Glandu, c'est dans quelques secondes. Ouais. Juste le temps de vous rappeler que si vous avez envie de gagner 10 fois votre salaire, eh ben c'est possible. Ouais. Ouais. Les amis, écoutez bien. C'est à l'occasion de la sortie du film Mission Impossible Fallout. Ça sort le 1er août. Nous allons créer le salaire impossible. Nous allons multiplier votre salaire par 10. Ouais. Ça va se passer mercredi prochain, le 27 juin, à 8h05, si on vous appelle, ce ne sera pas pour doubler votre salaire, mais pour le multiplier par 10. Wow. C'est vachement sympa. C'est... Alors, c'est vraiment, c'est le slogan qu'on a failli utiliser. Oui. Nous, on est vachement sympa. Ça se passe mercredi prochain, le 27 juin, à 8h05. Vous vous inscrivez, vous faites comme d'habitude, vous allez sur manudans69.com, vous pouvez vous inscrire aussi sur l'application manudans69, energie.fr, et vous, si vous êtes tiré au sort pour qu'on vous double votre salaire mercredi prochain, on vous le double pas, on vous le multiplie par 10. Ouais. Mercredi prochain à 8h05. Attention, 9h10, voici l'homme qui donne les réponses aux questions que personne ne se pose, c'est Glandu. Il est possible de vivre sans dormir du tout. Oula. Ouais. Ah bon ? Ça s'appelle une personne décédée, non ? Oui. Non, non, c'est un cas assez unique. C'est un soldat hongrois qui s'appelait Paul Kern et il a reçu une balle dans la tête pendant la Première Guerre mondiale. Donc, balle dans la tête, il se fait opérer et on lui enlève une partie de son lobe frontal. Et là, il ne ressent plus aucun signe de fatigue et il n'a pas dormi de son opération en 1915 jusqu'à sa mort en 1955. Wow. Et il se portait à merveille pendant toute cette période. Wow. Le mec, il a vécu 40 ans sans dormir. Ouais, ouais, il faisait rien. En fait, après sa journée de travail, il passait sa nuit à lire et à écouter la radio. Et de temps en temps, il fermait un peu les yeux pour éviter le surmenage de ses yeux. Mais c'est dingue. Mais il dormait pas. Et il mangeait beaucoup, apparemment. Il faisait 4 repas par jour, du coup. Bah, forcément, parce qu'il dort pas. Donc il a le temps de manger. Il mange. T'imagines, on serait hyper productif, nous. Non. Ah, quand même pas. Ouais. Non, je pense pas qu'on serait productif. Mais alors, ouais, il faut pas le faire. Hein. Parce qu'il y a un Chinois, pendant l'Euro 2012, il a fait 11 jours sans dormir pour regarder tous les matchs. Et au bout de 11 jours, il s'est endormi, il est décédé. Ah oui, effectivement. Ah ouais, non, il faut essayer du coup. Oui, il faut avoir un bout de cerveau en moins, quoi, pour pas. Alors, ne vous tirez pas non plus une balle dans la tête pour faire le truc. Non, c'est important. Il n'y a, dans cette histoire, rien à suivre. Merci de nous avoir écoutés. On peut passer à une autre info. Une info qui mêle politique et bière. Bob Hawke, il est connu du grand public. Pourquoi ? Pour avoir été le premier ministre australien de 83 à 91. Bien sûr, évidemment, Bob Hawke, une série de lois assez controversées à l'époque. Ne rentrons pas dans ce débat, Manu. J'ai déjà oublié de quel pays il était premier ministre. Australien. Il a été pendant 10 ans premier ministre de l'Australie. Okay. Mais il est surtout connu pour avoir détenu le record mondial de descente de bière. Ah, oh, super. Donc c'est pas incompatible. c'est lui qui a raconté ça dans ses mémoires. C'est génial. Ouais, il buvait 1,4 litre de bière en 11 secondes. C'est 2,5 pintes en 11 secondes. C'est rapide. Et en gros, il y a une vidéo, parce qu'il y a quelques années, il était à un match de cricket, il y a un supporter qui lui a tendu une pinte et il l'a vidé, mais à une vitesse. Ah. Non, mais t'imagines le conseil des ministres après ? Ah oui, ouais. Alors, ça va être sympa. Il est où, Bobby ? Il est sous la table. Qu'est-ce qu'on fait pour le chômage ? Efficace. Et on finit par une info animaux. Ah, l'info de la tortue ! L'info de la tortue, ouais. On l'attend depuis 10 minutes. Certaines tortues peuvent respirer par l'anus. Oh là là. On s'en doutait pas. Alors là, excuse-moi Glandu, mais on va se poser. Ah ouais, ça mérite une explication. Ah bah, et comment ? Eh bah, c'est les tortues de la Fitzroy River. C'est en Australie encore, tiens, on reste en Australie. Mmh. Et ils peuvent respirer par le cloaque. En fait, c'est l'anus chez l'homme, grosso modo, le cloaque. Ouais. Comment elles font ? Elles emmagasinent de l'oxygène et par les poumons quand elles sont hors de l'eau et dans leur petit anus. Et quand elles sont dans l'eau, elles nagent les fesses en l'air. Et du coup, l'oxygène va rester dans leur anus et va irriguer les vaisseaux sanguins. Alors, sans vouloir, c'est rigolo, hein, une tortue qui respire par le cul. Ouais. Mais le cloaque n'est pas exactement l'anus si je. Je crois que le cloaque, c'est aussi chez les poules par là où sort l'œuf. Qui n'est pas par là où sort le popo. Pourtant, je suis allé sur l'article Wikipédia cloaque et j'ai étudié le cloaque des poules. Je peux te lire l'ouverture postérieure qui sert de seul orifice pour les voies intestinales, urinaires et génitales de certaines espèces animales. Ouais. C'est la définition de cloaque que j'ai été allé chercher parce que je suis un professionnel. J'ai l'impression que Manu est pas convaincu. Hein. Ouais. Un professionnel de l'anus. J'aime qu'on soit précis quand on parle du cul. C'est important. Ouais. 9h14, nous retiendrons de cette émission et de cette journée qu'il y a une tortue qui respire par l'anus. Ouais. On n'a pas perdu notre journée. Attends, ça peut cartonner au bac, ça. Cette info. Oui, bien sûr. Ed Sheeran arrive dans un instant. Et juste avant Ed Sheeran, les amis, c'est le retour de Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. Ce sont des messages automatiques qui arrivent, les gens décrochent. Et par exemple, aujourd'hui, il va tenter un test de culture générale, les amis. Ah, ça arrive tout de suite. Manu dans le 6-9. Maman Manu, elle est ouin ouin ouin ouin ouin ouin ouin ouin. 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Ouais, on en est arrivé à faire des jingles avec Motus. À tout de suite. Les plus gros hits à la maison. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. Énergie. Hit music only. Mes lunettes, moi aussi, j'adore les changer. Ça tombe bien, Sharon. La nouvelle collection Chin Chin, elle est exceptionnelle. Moi, je veux bien tout changer, mais surtout pas mon opticien. Moi, c'est Afflalou. Chin Chin spécialité, c'est 2 lunettes de plus pour 1 euro de plus. Et c'est jusqu'au 15 juillet. Voir conditions en magasin, dispositif médical, demandez conseil à votre opticien. Leclerc. Chérie, vendredi et vendredi seulement chez Leclerc, 30% de réduction immédiate sur tous les produits solaires.

Salut, c'est Nagui avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Alors pour ceux qui ne le savent pas, on a déjà fait de la radio ensemble avec Manu. Non, c'est vrai, sans déconner. Bah, c'est depuis que je suis suivi par trois psychiatres. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Qui eux-mêmes sont suivis par d'autres psychiatres et ainsi de suite. Je fais fonctionner l'économie des psychiatres. J'ai une info sur Nagui. Ouais. Il a envoyé un petit tacle à sa femme dans N'oubliez pas les paroles. Ah ouais, vas-y, raconte. Il y a une candidate qui lui répondait pas et il a dit ben voilà, c'est bon, j'ai compris, elle veut jamais me répondre, elle ne m'écoute pas, elle n'en fait qu'à sa tête, j'ai l'impression de voir ma femme. Oh là. Ah ouais. Nagui, sache qu'il y aura toujours une chambre pour toi chez moi. Oh, c'est mignon ça. Et même chose pour sa femme. C'est moins mignon. Bah, moi je la connais. Hein. Ah, ouais. Il y aura toujours une place chez elle. Ah ouais, calme-toi. Pardon. Ils sont heureux. Je sais pas comment ils font. T'as mis un taquet à tout le monde. 9h22 les amis. Voici de l'amour encore avec Georges. Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. Attention Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, elle est là. Elle appelle un petit peu partout les gens pour leur dire des choses, parfois des choses pas très jolies. Et parfois Georges veut faire des tests de culture générale. Il veut tester les gens. Je vous rappelle que nous avons ici des messages automatiques auxquels les gens répondent. Voici Georges, notre intelligence artificielle. Hello. Bonjour. Bonjour. Ceci est un message automatique du ministère de la Culture. Afin d'évaluer le niveau de culture générale des Français, nous allons vous poser quelques questions. Ça dépend de quoi ? Question 1. Complétez ce proverbe « quand le chat n'est pas là ». Les souris dansent. La réponse était « quand le chat n'est pas là, c'est une bonne nouvelle, il ne salit pas la maison ». Oui, mais je ne sais pas, moi, vous me posez des questions là, et voilà, je vous dis moi la vérité après. Voici le cri d'un propriétaire de chat quand il n'est pas là. Question 2. Problème de mathématiques. Un navire est en mer. Il est parti de Boston, chargé de coton avec 200 tonneaux. Il fait voile vers le Havre. Le grand mât est cassé. Les passagers sont au nombre de 12. Le vent souffle nord-nord-est. L'horloge marque 3 heures du matin. On est au mois de juin. Quel est l'âge du capitaine ? La réponse était « Moi, je m'en fiche ». Je prends l'avion. Laissez tomber, c'est pas du tout mon réseau. Parlez-moi de camions, d'autoroutes, de véhicules, de choses comme ça, mais le reste, laissez tomber. Votre niveau de culture est caca. Excusez-moi, mais le mot caca, ça fait toujours rire. L'appel automatique de Georges, Manu dans le 6-9. Vous les retrouvez tous en podcast, manudansle69.com ou sur l'application Manu dans le 6-9. 9h24, on va s'écouter Ed Sheeran. Et vous savez quoi, pour lancer cette journée, pour terminer l'émission et lancer la journée, on va parler des choses qu'on a changées dans nos vies pour la rendre meilleure. Ok. J'ai trouvé une liste sur internet, je vais vous lire la liste et on va se raconter nos choses. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 0870 42 48 pour finir l'émission avec nous et pour lancer cette belle journée. Oui. Fête de la musique, premier jour de l'été, la France joue aujourd'hui. Oh là là. Trop bien. Franchement, meilleure journée de l'année, je vous l'annonce. Ed Sheeran tout de suite pour vous avant ça. Soyez les bienvenus, c'est Manu dans le 6-9. On est avec vous comme chaque matin. Merci d'être là et de nous avoir choisi pour démarrer cette nouvelle journée. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arm. Only a month we've been apart, you look happier. Saw you walk inside a bar, he said something to make you laugh. Saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you, but ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal. Baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth. That I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Sat in the corner of the room. Everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier. do. I knew one day you'd fall for someone new. But if he breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you. 9h27, comme chaque matin, on est avec vous. Soyez les bienvenus sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9. Et pour lancer cette journée, les amis, avant de partir, nous allons parler des choses qu'on a récemment changées dans nos vies pour la rendre meilleure. Yes. Ah ouais. Qu'est-ce que vous avez changé? Ça peut être un tout petit truc que vous avez changé dans votre vie qui l'a rendu meilleure. J'ai trouvé sur un forum une liste de ces petites choses. Ouais. Écoutez bien, il y a par exemple, je fais désormais mon lit tous les matins, ça me rend heureux le soir de me coucher dans un lit bien fait. Ah mais ouais, je comprends fort ça. C'est agréable. Je me couche tous les soirs à 22h pour être enfin plus en forme. Ah. Bah, c'est bien. Oui, si tu te lèves à 11h du matin, là ça fait comme des nuits de 13h. C'est vrai que t'es en forme. Ouais. Je coupe mon téléphone une heure avant d'aller me coucher, depuis je dors mieux. Bah, c'est bon pour la santé, ce qui paraît. Hein. C'est dur. Mmh. C'est je fais pareil, mais 20 secondes avant de me coucher. Quelle est la petite chose que vous avez récemment changée dans votre vie et qui l'a rendue un peu meilleure? Nico? J'ai arrêté la procrastination, moi. C'est que j'arrête de remettre tout au lendemain, etc. Quand j'ai un truc à faire, je le fais et j'ai l'esprit vachement plus libre. Alors, tu sais quoi? Ouais. Je fais l'inverse. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose que je peux remettre au lendemain. Ouais. C'est-à-dire que je considère que c'est pas urgent, donc je le remets au lendemain. Ah ouais? Ouais. Je me dis, si je n'ai pas à le faire aujourd'hui, c'est que c'est pas important. Ouais. Mais et si du coup, je me prends des agios aux impôts. Ouais. Mais voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. Quelle est la petite chose que vous avez changée récemment dans votre vie qui la rend meilleure? On a Manon au téléphone. Bonjour Manon. Salut Manu. Bienvenue sur Énergie, on t'écoute. Merci. Moi, j'ai décidé de prendre un goûter tous les jours maintenant à 16h, comme les enfants, comme ça, je suis sûre que je ne grignote plus du tout. Oh, c'est pas mal. Ouais. Ouais. C'est pas mal, tu grignotes puis entre les repas et tu prends un bon goûter. Ouais. Mmh. Exactement, j'ai perdu 3 kilos. Ah, bah bravo, félicitations, avant l'été c'est beau. C'est fort ça. C'est la première fois de ma vie que j'entends je mange un goûter et je maigris. Ah ouais, et oui, mais tu manges moins le soir. C'est ça. C'est sacrément rusé. Ouais. Merci de nous avoir appelé Manon, belle journée à toi. Glandu. Moi je prends les escaliers tous les jours maintenant au lieu de l'ascenseur. Wow. Et là ça fait quelques semaines et je vois déjà la différence quoi. Au niveau du souffle et tout. Quoi? Quoi? Et quoi? C'est le véritomètre. Bah non, c'est vrai. Ah non, je prends plus l'ascenseur, les escaliers, tac tac tac, je trottine. Je monte les marches deux par deux ou trois par trois. Ouais. Même j'ai réussi à en faire quatre un jour. Ouais, c'est pas trop. Ah non, c'est vrai. Et des fois, je lance l'ascenseur. Je suis en bas, je lance l'ascenseur au 5 et là, je cours pour arriver à l'ascenseur. T'es monté en escalier ce matin en arrivant? Ah, ici? Ouais. Ah non, pas ici. Ah, d'accord, ok. Ah, non, ici, c'est différent, je parle chez moi. Okay. Génial. Parce qu'en fait, ici, il y a 6 étages. Ouais. Il habite au premier, l'escroc. Ça ne compte non, pas. C'est pas vrai. Qu'est-ce que vous avez fait récemment dans votre vie qui a changé? Bah, qui l'a changé en mieux? Je crie plus avec ma fille, moi. C'est bien. Bah, je peux te dire que c'est un gros changement. On a fait un pacte de non-criage. On crie plus. De non-criage? Oui, on ne crie plus. Et bon, ça a changé notre vie, mais surtout celle des voisins, en fait. Ça compte, ne parle plus maintenant. Elle a un appartement. Seule. Elle vit à 300 mètres de chez nous. On est pas loin. On a fait un pack de on ne se voit plus. Julien, bonjour. Salut Manu, salut les moins. Qu'est-ce que tu as changé dans ta vie récemment qui l'a rendu meilleure? Alors moi, j'ai téléchargé une application qui s'appelle Sheet et ça permet d'organiser ma vie de couple. C'est-à-dire? Bah en fait, t'as tout plein de tâches à effectuer, ça regroupe tout et ça évite les doublons. Mmh. Donc comme ça, on sait ce qu'il y a à faire. Ça évite les doublons. Moi je vais te rassurer, moi dans ma vie j'ai pas de doublons. Hein. Ouais. Donc, c'est dans les tâches à faire. Tu vois, du coup, quand t'as pas envie de faire un truc, tu dis pardon, j'ai plus de batterie. Désolé chérie. Mais du coup, pareil, vous avez plus à vous parler, vous regardez l'application et c'est réglé. Ouais, c'est une excuse. En fait, on s'appelle quand même pour organiser des soirées et tout. C'est gentil de vous appeler. Merci de nous avoir appelé. Qu'est-ce que vous avez changé récemment dans votre vie qui la rend meilleure? Paulette, t'as pas dit? Je mange plus de pain. Et mes fesses me remercient. Tous les jours un peu plus. Bah écoute, voilà, c'est bien. On se quittera sur cette phrase. Et mes fesses me remercient. C'est beau. Allez les amis, on va s'en aller. On sera de retour dès demain à partir de 6h. Profitez bien de cette journée, de cette belle journée. Ah ouais. C'est le premier jour de l'été. Ouais. C'est la fête de la musique. Ouais. Oui. Et à 17h, la France joue contre le Pérou. Allez, allez, allez. Notre page Facebook, vous pouvez faire vos pronostics et gagner une PlayStation 4 Pro. La PS4 Pro, elle est pour vous. On a mis un post, on l'a épinglé en haut de notre page Facebook. Vous mettez votre pronostic, si c'est le bon, il sera tiré peut-être au sort pour gagner la PS4 Pro. Ouais. Il y a aussi le bingo du foot. Ouais. Mmh. C'est comme un bingo, dès que vous entendez une phrase qui est dans le bingo, tac, vous cochez, vous êtes là. Et voilà. Passez une belle journée les amis, la playlist énergie démarre juste après nous. Il y aura Amir, il y aura aussi Cécilia Krull. À demain les wawa. Demain!